Bon, ça va tout le monde, là hein? Jack, t'as fait quoi pendant tes vacances? Bah, sud-ouest, match au Nou Camp, week-end à Barcelone, bien, quoi. Ah, ça va. Et toi, Toff? Bah, chalet à Genève, enfin, ski toute la journée, enfin, nickel, hein. Et toi, Mike? Oh, bateau en Thaïlande, et puis beau temps, super vacances, hein, tranquille, quoi. Et toi, Roux? Oh, je me suis fait chier à Miami, laisse tomber. Et toi, Sandro? Découverte des milieux urbains, activité créative, je me suis régalée. Sérieux? Ah ouais, putain, t'as fait quoi? T'es où? J'ai fait de la peinture à Pierrefitte-sur-Seine. Ah ouais, cool. Les bonnes résolutions de Michael sur Énergie. Commencer l'émission à 21h et Non, faut pas trop se mentir sur les bonnes résolutions. De toute façon, on les tient jamais. 21h, minuit. Michael est sur Énergie. Ouais, et alors ça tombe bien qu'on en parle effectivement des bonnes résolutions, puisque je me suis dit tout à l'heure en arrivant à la radio. Putain, ça fait 5 ans qu'on remet le couvert. Mais ouais, 5 ans là. Hier, bon, on était là hier. Bon anniversaire, voilà. Merci. Exactement, 5 ans. Et je me suis dit, commençons d'une manière originale. Les résolutions de l'année. Voilà. Non, je me suis dit que ça, c'est un truc qui manquait, c'est un truc que personne ne fait. Au final, on ne le fait qu'une fois par an. Oui, mais c'est souvent. Déjà, pendant deux jours. Ouais, ouais, ça dure assez longtemps, effectivement. Bon, est-ce que nous avons souhaité bonne année à Jack? Bonne année, Jack. On ne l'avait pas fait ni à Polo, d'ailleurs, il est très fâché. Non, ah si, moi je l'ai fait à Polo. Ouais, c'était avec lui. Oui, ah oui, c'est pour ça. Donc voilà, j'étais le seul d'ailleurs à lui souhaiter bonne année. Hein. Non, c'est vrai. Ça coûte cher à l'étranger, les textos. Ah si, c'est vrai. Oh là là là là. Quel mytho, alors. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous, ça a été plutôt pas mal, hein. Ça a été plutôt pas mal. Bon, on n'arrive pas à la cheville de Sandro au niveau des vacances. On peut pas lutter. Alors, on a refait le salon et la cuisine chez mes parents. C'est très sympa, très cosy maintenant. C'est super grand chou. C'est vrai chez que eux. Là, on peut pas tester. Ah ouais, non, là, on peut pas. C'est-à-dire que la cuisine est tellement classe que tu n'oses plus cuisiner dedans. Voilà. C'est ça, elle est rouge. En gros, ah, elle est rouge. C'est le truc pour pas te vénère, t'es quand C'est pour pas faire de traces de sang, c'est quand tu découpes la viande et tout. C'est moi qui ai choisi les couleurs. On sera mort étonné, tiens. Bon, donc, du coup, j'espère que vous avez passé un bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Et bonne fête de Noël. C'est pas ringard quand tu le dis en plus. Non, c'est Saint-Sylvestre. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé le nom. Hein. Et donc, on est là ce soir, en tout cas jusqu'à minuit, évidemment, avec le Polo Show qui aura lieu également tout à l'heure. Je tisse dessus parce que l'horaire change. Ah oui. Ah bah, 2010 déjà. Ce Polo Show est vécu jusqu'en 2010, c'est déjà surréaliste. Et donc, 2010, l'horaire change. Mais voilà. Attends, la bonne résolution de l'année 2010, ça aurait pas été plutôt de l'arrêter? Le Polo Show? C'est la bonne idée. Ouais, ça veut dire... Non, moi je suis pour d'arrêter l'émission, mais c'est le Polo Show. Ah ouais, ah ouais, non. Pour l'année 2010. Tu vois, c'est une nouvelle résolution, ouais, quoi. C'est un peu cash, ouais. Oh, ça va. Bon, Toff, résolution? Fidèle, mariage. Non, pas de fidélité, pas de mariage, pas de chien, pas de. Non, c'est. Ah, alors un monospace alors? Non, je me suis dit pas plus de 3 meufs dans la même journée cette année. D'accord. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Plus de 3 gosses aussi ou. Non, ça va aller. Ah, bon, Roux. Oh non, j'en prends pas parce que je l'ai dit. Victoire de Paris. Non, ça c'est pas tout à la limite. L'arrêt de la clope? Ouais, j'y ai pensé. Et puis, et puis t'es oublié à cause d'alcool? Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Sandro, bonne résolution, arrêter la clope. Partir en vacances. Je suis ravie parce que ça fait 3 ans que j'attends cette année parce que c'est l'année des poissons, là, 2010. Ah, donc si vous êtes poisson, c'est. Bouffer du poisson. Non, mais c'est notre année 2010, c'est l'année de la renaissance. Et je suis ravie d'attaquer l'année, là. Eh ben écoute, on va t'acheter un bel aquarium, tu pourras nager dedans. Eh ben écoute, c'est très bien. Alors, donc voilà, effectivement, bon, le régime aussi, bien sûr. Hein, ouais, bah, qui reprend dès demain. Oui, bah oui. Ça fait aujourd'hui, mais j'ai pas pu. Oh, j'ai eu un empêchement. J'ai failli te ramener un cadeau et finalement, je l'ai pas fait. C'est quoi? C'était un énorme Kit Kat comme ça. Oh la vache. Énorme. Mais finalement, je dis après, ça va bien, je vais encore me faire engueuler. Donc du coup, je l'ai laissé à l'aéroport. Avec ta valise d'ailleurs. Oui, non, mais ça, c'était pas volontaire, la valise. Hein. Donc j'allume ma valise d'ailleurs. Hein, Elle tourne, elle est en orbite. Voilà, dans le cours de Formule 1 avec d'autres valises. Voilà, je remercie cette belle compagnie aérienne. Comment s'appelle-t-elle? Compagnie, ils sont cousins avec Air France, mais malheureusement, ils... C'est Air Chung, non? Air Chung. Non, China Southern. China Southern? Southern. Ah, Southern, ça n'a pas une sauce. Non, China, enfin bref. Bon, et Jack, résolution? Arrêtez la clope? Non, pas trop. Voilà. En revanche, on va essayer de foutre la thune de côté, là. Ah oui, oui, il vaut mieux, ouais. Il faut économiser. C'est la récession. Bon, Micha, des résolutions. Bonne année, bonne année. On en a fait une bonne, déjà, on a enlevé le répondeur. Oui. Ah bon? Ah ouais. Non, il est là, si tu veux. Ah bon? Ah ouais. Ah, moi, je pensais qu'on l'avait têche. Non, le répondeur, là. Cette année, des réclamations des auditeurs. Ah, à la bonne heure. Putain, j'ai pas dit les rappeler. Tu sais que ça va pourri les vacances. Ah oui, c'est vrai? Tous les messages d'auditeurs qui ont dit oui, j'ai gagné là, on m'a pas rappelé. J'ai gagné là, on m'a pas rappelé. J'ai gagné ça, personne m'a rien dit. Oui, ça m'a pourri les vacances, totalement. Donc voilà, ça. Micha vient juste d'ouvrir sa boîte mail, donc il en prendra connaissance peut-être demain. C'est ça, demain ou après-demain. Bon, Pablo, résolution. À maigrir, mon pote. De vraiment bosser. Il est parti une semaine aux vacances, il a pris 5 kilos. Ah, on l'a tous grossi, là. Ouais, mais chez lui, ça se voit moins. Non, moi, j'ai perdu 3 kilos et Polo 4. Hey. Mais c'est la chiasse. C'est ça. Ah ouais, mais ça marche super bien, la chiasse. Hein. Wow. Mais c'est quoi, c'est en Asie, il n'y a que ça ou quoi? Bah, je sais pas, il y avait une bactérie, je l'ai chopée, quoi. Ah, t'as bien chopé. Ouais. Ah, 42 fièvres ou 40, ouais, un truc comme ça, 42 fièvres. C'était c'est bien pour les vacances. Ah bah, confirme. À l'hôpital, ils voulaient me garder. Je dis, ça va pas, non. Ah, c'est comment les hôpitaux là-bas? Genre au niveau électronique, ils sont top. Je savais même pas qu'il y en avait, quoi. Ah, c'est quand même... Non, bah, ils m'ont pris la température avec un truc électronique. Non. Ils t'ont fait de l'acupuncture? Non, ils m'ont pas fait de l'acupuncture. Alors, par contre, alors, excusez-moi des si vous passez à table... Mais t'étais où exactement? En Thaïlande. Voilà. Et excusez-moi si vous passez à table. Ça va être un peu glauque. Bah, disons que j'avais mal au bide et j'avais surtout de la fièvre, c'est ça mon problème. Donc, ouais. À un moment, j'ai failli me péter la gueule, évidemment, personne n'était là pour me rattraper puisque Polo était parti manger au Burger King. Donc, j'ai dû me débrouiller par moi-même. À l'hôpital, tu veux dire? Après, non, avant l'hosto, justement. Et donc, après, bah, j'y vais justement à l'hosto, et puis là, donc, la meuf fait les tests. Et puis, elle me donne un petit pot. Je me dis, ah, bon, bah, je vais pisser dedans. Ah non! Ah non! Et j'ai dit, mais comment voulez-vous que je fasse? Comment voulez-vous que j'aille? Il fallait que tu défèques dans ce pot. Oui, voilà, merci. Ah, c'est vrai? Et je dis, comment voulez-vous que j'arrive à faire? Comment voulez-vous que j'arrive à viser? Parce que c'est dur, quoi. Première fois, c'est passé à côté. C'est dégueulasse. Ouais. Donc sur ta main. Non, sur le gant. J'avais les mêmes gants que Dexter. C'est quoi, c'est de l'eau en fait? Enfin, t'as ouais, l'eau. Enfin, c'était bizarre, quoi. Mais on va pas rentrer dans le détail. Là, au point où on en est. Donc tout ça pour dire que mangez pas n'importe quoi. Faites pas les malins avec des trucs pimentés, tout ça, etc. Épicé, tout ça. Donc voilà, faites pas les malins. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc sinon, rien dire sur. Il y a pas de bactéries qui traînent à Pierrefitte. Hein. Si, il y en a pas mal. Mais... Ouais, enfin, tu l'as pas chopé, quoi. Ça dépend où tu traînes et ça dépend dans quelle cave tu vas. Hein. Oui, à ce niveau-là, bien sûr. Bon, on parlera de Jackson ce soir, on parlera également des filles, bien évidemment. Ah, ouais. Parce que ce soir, bien évidemment, on va vous filer, comme toute cette semaine d'ailleurs, séjour sportif pour 3 personnes avec transport au centre UCPA, donc à l'occasion de la sortie du film Bliss le 6 janvier en salle. Il va falloir venir. Et alors, c'est Micha qui a trouvé l'idée du jeu. Oui, c'est beau. Je lui propose de l'expliquer lui-même. C'est un jeu via Sandro. Ouais. C'est un jeu où on se rejette la balle, apparemment. C'est un jeu qui n'a pas l'air terrible. On m'a demandé un avis, je l'ai donné. Voilà. C'était pas obligé de le prendre. Hein. Non, mais il n'y a pas de mal. Mais que Micha l'explique. Non, alors, ce soir, deux auditrices vont venir à l'antenne pour venir argumenter, défendre en fait leur artiste féminine ou sportive féminine de l'année pour elles. Voilà. Mais on impose l'artiste. Alors, c'est qui ce soir d'ailleurs? C'est Sandro Lopez. Non, on le fera dans la semaine, ça me ferait bien kiffer. C'est juste pour mon ego personnel. C'est l'artiste sportive. Hein. Ah ouais, très sportive. Donc voilà, donc si vous voulez jouer, c'est qui alors? Alors on part sur Lormano 12, on avait dit. Ouais, je l'ai vu, elle a plus sa ligne d'antan. Ah oui, elle est enceinte. Bon, bah, c'est normal. Ah bah oui, c'est bon. 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez Bliss avec votre numéro de téléphone. On parlera du nouvel an des stars également, qui. Ils se sont bien éclatés. Ah quoi, ça s'est passé un 31. Ah bah, non. Ouais. Mais ça s'est pas passé pour 31 €. Hein. Oh putain, ils se sont gavés. Ça c'est sûr. Et puis les résolutions. Hein. Donc dites-nous si vous avez prévu et vous avez. Si après 4 jours vous êtes. Vous tenez toujours vos résolutions. Normalement, ça y est, après 4 jours, normalement, tu les as déjà tués, tes résolutions. En général, ouais. Donc, 612, débutez votre message par énergie, puis vous laissez votre numéro de téléphone. Et puis, bah, on en parlera bien évidemment tout à l'heure. Au niveau du son, ce soir, on mettra du bon son rock US, bien entendu. On fera péter le son d'Agnès. On aura aussi Adaway, ça fera plaisir aux roues. Flashback dans les années 90. Ah, ça, c'est bon, ça. Voilà, c'est un mix classé Adaway avec What Is Love. On aura The Black Eyed Peas aussi avec Meet Me Halfway. Et puis, bah, comme ça, vous saurez tout, bien évidemment, de Piwalo Show avec un nouvel horaire tout à l'heure pour The Piwalo Show. Super. C'est quoi? Ah non, mais rien. J'en super. Dis pas plus, je tease. Ouais. Bon, bah très bien, je pense que tout est dit. On fera un chéri, je t'ai fait cocu également tout à l'heure. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas. 612, débutez votre message par énergie. Puis vous laissez cocu avec votre numéro de téléphone. On aura aussi des DVD ou des Blu-ray d'Inglourious Basterds à vous filer. Et puis on aura aussi les casques Earth Beat by Lady Gaga de Monster Beats. C'est pour fêter sa nomination au Energy Music Awards 2010 de Lady Gaga. C'est des putains de casques, il paraît. C'est des putains de casques. Bah, il y a Pablo qui a celui mais de Dr. Dre. Le Beats by Dr. Dre. Enfin, c'est le beat parce qu'il a cassé en deux. Mais il marchait bien, cela dit, à l'époque. Hein. Ça, s'il faisait attention à ses affaires. Voilà, il fonctionnait très très bien. Et puis les compiles aussi Energy Music Awards 2010. Édition collector, 2 CD plus le DVD. C'est 42 titres et 24 clips. Voilà, on a tout ça à vous filer ce soir. Donc restez bien là. On est ensemble jusqu'à midnight. Et puis on va s'envoyer du son dans un instant avec Cascadage. Ce sera Fever. Bouge pas. Bouge pas. Mickaël termine de se teindre les cheveux blancs qu'il n'a pas. Et l'émission revient juste après ça. C'était le son de Cascada à l'instant, Fever sur Énergie, et 21h minuit, on est là tous les soirs, comme je le disais juste avant le son de Cascada. Quiz People que nous ferons d'ici pas longtemps, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Eh bien vous faites maintenant le 612, débutez votre message par Énergie, puis vous mettez People avec votre numéro de téléphone. On parlera comme promis aussi des bonnes résolutions que vous êtes censé avoir pris le 1er janvier ou le 31 au soir, que vous avez peut-être déjà lâché maintenant. J'avais demandé, j'avais posé la question aussi sur le fanbook de l'émission sur mikael.fm en cliquant ensuite sur, bah sur la communauté. Vous venez du coup sur le Twitter, sur le fanbook de l'émission. Alors il y a qu'est-ce qu'il y a? Il y a Cécile qui dit moi un vrai copain pour 2010. Oh, ça va venir ça en même temps. Hein. C'est cool aussi. Ma bonne résolution, c'est écouter l'émission tous les jours, même si je le fais déjà. Ben merci Paul, c'est gentil. Bonne année tout le monde. Qu'elle soit meilleure qu'en 2009. Oui, enfin Muriel. Oui, ça c'est les trucs un peu bateau que tout le monde envoie. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est très. Arrêtez la clope. Ah bah voilà. Bah Micha s'y est tenu, hein. Il a commencé le 2, il a arrêté le 3. Non, il a commencé. Oui, non, il a commencé le 31 à 23h59 et il a lâché le 1er à minuit 2. Ah mais jusqu'au mois de février pour arrêter de fumer. Ouais, c'est sa bonne excuse. Pourquoi? C'est comme la bonne année, jusqu'au 1er février. Ouais, si t'as un mois pour souhaiter bonne année. Mais par contre, normalement, la bonne résolution, t'es censé la prendre tout de suite si tu veux. Oui, mais il y aura la prime si j'arrête de fumer. Ah oui, c'est vrai que tu avais parlé d'une prime, j'ai promis. Ah oui, mais personne n'en a voulu. J'avais dit que je donnais de l'argent. J'avais dit que je donnais une prime pécuniaire à celui ou celle qui a arrêté de fumer. Ben on est d'accord. Ah bon? C'est combien la prime? Ah bah balance trop tard, mec, on est en 2010, il fallait signer en 2009. Okay, hein. Bah, c'est marqué une astérix. Bah tant pis pour ta santé, bon, c'est con, on va te dire tant pis au cancer quand il t'aura rongé de l'intérieur. Bon, il y a Priscille. Très qui bonne dit... année pour les cancers aussi d'ailleurs. D'accord, bah, très bien. Comme toutes les années d'ailleurs. Priscille qui dit ne plus prendre de résolution est ma résolution. C'est facile pas aussi. Mal. Florent qui dit travaille en cours hein, pour la bonne résolution. Ouais. Celle-là, il l'a niqué à 8h ce matin. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai une résolution, continue à faire chier tout le monde. C'est une bonne résolution. Elle est facile à tenir en plus. Elle est facile à tenir, c'est vrai. Bon, allez, on vous a fait peur, mais vous avez été des milliers à téléphoner à Micha pour avoir le répondeur. 01 40 71 3400. Vous avez laissé vos messages pendant les vacances et ça donnait ceci. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Oui, bonsoir. Bah, pour pas changer, c'est Noël. Fin du message. Oui. Message suivant. Vous savez que Raymond Domenech a eu une prime de 826 000 euros? Eh oui, vous savez, pour être qualifié à la Coupe du Monde. Ah bon? Ça gagne autant que ça, hein? Entraîneur de handball. Fin du message. Message suivant. T-O-P-H. T comme tête de con, O comme orgasme, P comme prostituée et H comme horrible. Voici ce que veut dire Toff. Fin du message. Message suivant. Ouais, c'est l'équipe 5 ans pour parler des messages subliminaux, là, cette fois-ci dans la pub. Parce que je sais pas si quelqu'un a vu la pub Perrier, mais c'est quand même fort. Hein. D'abord, il y a une toute petite bouteille Perrier, il y a une main qui passe à côté, elle commence à toucher la bouteille Perrier. La bouteille Perrier, elle grandit petit à petit. Et après, quand elle est bien grande, la main, elle commence à branler la bouteille Perrier. Après, il y a le bouchon qui s'enlève, et après, la bouteille, il y a le Perrier qui jaillit, quoi. C'est quand même grave. En plus, après, aller sur le site, la main la plus sexy du monde. Moi, j'y suis chaud. Fin du message. Message suivant. Sur un bateau, il y a Ségolène et Nicolas. Le bateau coule. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tous les Français sont contents. Fin du message. Message suivant. Si tu t'appelles le Pong et que t'as envie de tout faire péter, il y a une application pour ça. Si ta couleur préférée c'est le jaune et que t'as d'eau les chats et les steaks de chat aussi, il y a une application pour toi. Et si ton maman du bruit à côté de chez toi, il y a aussi une application pour toi. Et aussi moi, la nouvelle application de ta poule. Fin des nouveaux messages. C'est con. Ah, le dernier, c'est le mieux trouvé. Le dernier, il est pas mal trouvé, effectivement, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, on fait gagner celui-là et celui sur Toff. Les deux. Ouais, Micha, les deux. Aimé. Michel a l'air perturbé. Oui, les deux derniers. Oui. Oui. Non. Pas les deux derniers. Celui, le dernier, et celui qui parle de Toff, qui est, je sais plus, troisième, je crois, un truc comme oui. ça. Très bien. Bon, de toute façon, il va appeler personne. Faire confiance. Oui. Non, bah, ça. C'est bien ça le problème, c'est la confiance. Bon, bah 01 40 71 3400. Laissez donc vos numéros de téléphone. Et puis, ouais, on parlait des vacances tout à l'heure. Et franchement, ça, bon, après Sandro m'a pas aidé, mais j'ai quand même essayé tout seul, mais j'ai pas réussi. Je voulais faire un cadeau au roux. Même si c'était Noël et même s'il m'a offert un cadeau pourri, parce qu'il m'a offert une carotte et un truc pour changer la couleur des cheveux. Une peinture pour les cheveux. D'ailleurs, tu l'as pas faite, hein. Non, mais bah, je vais mettre sur eBay. Non, mais fais-la, juste pour voir. Mais non, j'ai pas envie. Mais non. Pour voir. Non. Pour voir la tête que t'aurais. Laisse-le, s'il veut avoir le style de George Clooney, c'est son choix. Mais je vois vrai que tu vas bientôt ressembler à Franck Dubosc, hein. On a plus qu'il y a deux semaines, d'ailleurs. Non. Ah si. Ah non, maintenant non. Mais non, je peux pas avoir plus qu'il y a deux semaines, puisque je n'en ai pas. Si, non, mais c'est le soleil, c'est. Mais là, sur les tempes, là. Sur les tempes, t'en as pris. Non. Absolument rien. Oh, derrière, oh putain, t'as. Oh là là, t'as une. Oh. Mais je n'ai rien. Et en plus, comme t'as un pull noir, ça se voit encore plus. Oui, hein. Bah, excuse-moi, j'ai plus de veste. Je suis confus, elle est perdue dans ma valise. Ah, c'est pour ça que quand je t'ai ouvert la porte à 9h du matin, t'étais avec un drap de survie. Oui, j'avais ta couverture. J'avais piqué dans l'avion. Mais il avait une couverture de survie sur lui. Oui, j'étais en t-shirt. Et moi, donc bon. Et donc, je voulais ramener un beau cadeau au rouge. Je voulais lui ramener un faux passeport belge avec sa tête dessus. Ah, ça aurait été marrant, ça. Bah ah ouais, oui, mais... putain, c'est vrai. Bah ouais, pourquoi Sandro t'a pas aidé? Bah, parce que je lui avais demandé une petite photo d'identité. Mais j'ai pas ça, moi. Mais non, bah, elle a dit qu'elle aurait peut-être le moyen d'en trouver une. J'en avais une, mais je sais pas où elle est. Bah voilà. Attends, ça enfin, je t'avoue que je l'ai pas cherché, j'ai oublié. Ah, ça vaut combien un faux passeport? Oh, tu négocies. Hein. Non mais attends, c'est un vrai faux passeport. Mais oui, c'est ça qui était en ah oui, bah, je comptais l'envoyer par la poste pour pas me faire gauler la douane. Oh, c'est génial. T'aurais été belge. Ah putain, ça aurait été. T'as les faux permis et tout. C'est vraiment une bouchée de pain. Mais c'est vraiment bien fait. T'aurais été. Il y en a qui sont bien. Ça dépend lesquels. Les permis, apparemment, ils sont pas super bien. Ouais, mais on s'en fout. C'était pour la vanne, pas pour l'utiliser. Bah non, j'aurais utilisé. C'est Monsieur Lou van Ombeek. Ça aurait pu être drôle. Hein. C'est vrai. Né à Bruxelles. Mais raté. Ouais, bah là c'est raté. Ouais. Comme ah non, vrai. Lui tu le fais. Il est né à Charleroi, lui direct. Ah non. Boulevard Thiroux. Ouais, c'est clair. Ouais. Né à Charleroi, ça aurait été pas mal. Bon, et donc du coup, c'est un cadeau raté. C'est malheureux. C'est pas grave. Oh, la prochaine fois. L'intention y était. Bah exactement. Bon, en parlant de nouvel an et d'intention ratée, on a tous fêté le nouvel an. Oui. Oui. Voilà, certains plus que d'autres. Oui. Voilà. C'est cool d'ailleurs, je fais nouveau une parenthèse, mais c'est parce qu'on s'est plus vu depuis longtemps, donc c'est chouette un nouvel an dans l'avion ou par où? En fait, j'étais pas dans l'avion. Ça fait deux années de suite que tu le fais dans l'avion. C'est vrai. Est-ce que c'est moins cher, hein, faut dire la vérité. Cher. Non, parce qu'il fait décalage horaire, donc du coup, tu sais, t'as le. Il le fait plusieurs fois. Voilà, t'as le champagne. Ils font un truc? Non, puisque malheureusement, j'ai eu 4 heures de vol, escale. Et 8 heures de vol. Donc je me suis dit, dans ces 12 heures, à un moment donné, je vais bien pécho un jour de l'an. Non, en fait, le jour de l'an, il est tombé pendant l'escale. Pas de champagne dans l'avion. Avec le douanier? Avec le douanier, ouais. Il nous a dit Happy New Year. Ah, quand même? Ouais, ah, ça va, t'as eu de la chance. Bon, et donc, on s'est tous amusés. Tiens, on s'amuse dans un avion, nouvel an ou pas? Ah, bah, il a dansé comme un ouf, hein. Non, en fait, ouais. J'ai eu un avion qui n'avait pas de. L'écran pour les films ne marchait pas. C'est tombé sur ta gueule. C'est horrible. Tu pètes un plomb. Ah oui, c'est long. Parce que en général, les batteries d'ordinateur ne durent pas 8 heures. Non, bah voilà, c'est ça de partir sur moi. Bon, et donc, même nos amis, les stars, ont fêté 2010. Et d'ailleurs, quand on va à Miami, on rencontre des stars, ou putain. Oui, c'est vrai, oui. Oui. Un black, non, t'avais pas rencontré un black. Craig David, ouais. Non. Si, on a vu Craig David en Ferrari. T'as rencontré un blanc aussi. On a vu Jared Leto. On a vu Jared Leto en vélo, je lui ai fait un smack de ta part. C'est ça. Et t'as vu une star française, oui. Surtout. Et c'est pour cela qu'il était le plus en kiff. Ah ouais, ouais. C'est normal. Ah, attends, c'est normal. Je comprends, moi ça aurait été pareil. Charlie de Charlie et Louis. Oui. Il faut le raconter comme Pablo le raconte, c'est-à-dire que le roux croise Charlie et il est là, il est en kiff, mais en surkiff. Ah ouais, mais c'est Charlie. Charlie. Et donc Pablo, il croyait que c'était une putain de star. Et non, c'était Charlie. Ah ouais, lui, Charlie s'attendait à Denzel Washington. Ouais, c'est ça. Non, Charlie Nestor. Voilà. Attends, c'est quand même. Non, Charlie Nestor. Non, Charlie Nestor. Ah ouais, d'accord, ouais. Ok, très bien. Bon, et donc du coup, il y a pas mal de stars qui ont été très, très, trop payées hein, pour faire la fête. Et donc, bah, trop payé. Il n'y a, hein, y a pas que les stars qui ont été payés pour le nouvel an. Il y a des mecs qui ont payé tough pour qu'ils viennent pas à leur, leur fête. Ah, moi, j'ai bien gagné ce jour-là. Bon, et d'après vous, combien ont été payés les Black Eyed Peas pour se montrer quelques heures et monter sur scène au Luxor, qui est un hôtel casino à Vegas? On n'a aucune idée. Ça doit être hors de prix. Ça doit être quelque chose comme de l'ordre du 50 000 dollars. Ah, oui. Moi, j'ai tête. Genre, ça fait 300 000 en tout. Non, ils sont combien? 4, 5, 4. 4, 4 ouais, 200 000 dollars. Ouais. Ah, moi, j'aurais dit 4. Attends, on les fait chier le 31 quand même. C'est ça, le 31, attention. Eh bien, on dit quoi, 4 dollars? Non, 400 000. Ah. 400 000, bah, Ferdy des Black Eyed Peas ont été payés plus de... Et Toff était pas trop loin au niveau du chiffre, même si la monnaie n'est pas la bonne. 486 000 euros, soit 700 000 dollars. 700 000 dollars pour s'amuser, quoi, voilà. 486 000 euros et ouais, non, mais c'est... Putain, attends, c'est... Attends, en bas, payé pour faire la fête. Ouais, ouais, c'est ça, c'est payé parce qu'ils sont là, ils cuent. Ils ont dû chanter, je pense. Ouais, et alors même. Ah oui, c'est ça, ils font un show. Oui, bon, enfin, pour 486 000 dollars, je peux chanter des Black Eyed Peas. Pas de problème. Ah, on fait ouais, ça, on fait un groupe avec le roux, on fait de Black Eyed Peas, de Black Eyed Roux, et t'y vas, hein. Bon, sans coup. On va continuer. Oui, bah, par exemple, oui, pour 486 000 euros, pas centimes. De problème. Oui, bah c'est pas grave. On continue avec quelques chiffres de notre ami Pete Wentz des Fall Out Boy qui vient souvent nous voir dans l'émission, qui a empoché que 30 000 dollars pour être présent au Jet Night Club de LA. Ouais, mais lui, c'est pas beaucoup, je trouve. Alors lui, c'est juste pour être présent, ouais. Il a pas chanté. Ouais, c'est vrai. Il est venu en boîte, quoi. C'est vrai. Bon, il y a 50 aussi qui a passé son nouvel an au Caesar Palace à Las Vegas. Oh, lui, il a dû prendre, lui. D'après vous, combien 50 a été payé juste pour faire acte de présence? Oh, lui, il a dû prendre au moins 50 000 dollars juste pour ouais, venir. 50 000, 70 000, 70 000. Eh ben, Sandro, on n'est pas loin, mais dans la mauvaise monnaie. 70 000 euros, soit à peu près 100 000 dollars. Ah oui, mais je parlais en euros, moi. Ah oui, c'est vrai. Parce que 50 000, c'est pas possible, c'est son argent de poche, il l'a déjà dit. Exactement. Putain, ouais. Le mec, juste, il vient en boîte, il prend 70 000 euros. Voilà, voilà. Bah, c'est bien. Bon d'être une star payée. Même en deux ans, tu gagnes pas ça. Grave. Payé, attends, tu payes 20 euros en boîte. Oui, oui. Et encore, quand tu peux rentrer. Et encore, nouvel an, étant nouvel an, j'ai pas vu de soirée à moins de 100 euros. Ouais, c'est vrai, putain, qu'est-ce que c'est cher. Et vous prendriez combien pour faire une soirée en roue? Ah bah le maximum hein. En roue il prend ça dépend, brut ou en net. moi je prends bah, 50 euros, c'est bien. 50 euros, oui, tu me les donnes, mais 1 euro, hein, 1 euro et la soirée gratuite. Ah bon, bah ah, tant qu'il peut teaser toute la nuit, le voilà, roue il vient ça. Gratuit, hein. Bon, Sandro elle demande beaucoup, mais une fois qu'il a teasé le premier verre, tu lui donnes rien, elle est contente. Tu gagneras pas toute façon à la fin. Voilà, c'est ça. Et on t'a donné l'argent, t'as tout gaspillé. Ah bon, d'accord. Bon, très bien. Bon, en parlant de ça, il y a une... Alors, il y en a une de stars qui défraye la chronique en ce moment, c'est Tiger Woods. Ah ouais. Allez. Avec ses maîtresses. Voilà. Et lui, il n'a pas été payé pour faire le nouvel an. Hein. En fait, il s'est fait son propre kiff puisqu'il a réservé tout un étage au Trump International Hotel à New York. Ah bah justement, oui, il faut loger toutes les maîtresses. Ah bah voilà. C'est ça, ah bah lui. Exactement. Et donc, pour fêter le nouvel an, comme il se doit, il a commandé plus de 20 bouteilles de vodka et 15 casiers de Red Bull. Et bien sûr, Tiger ne pouvait pas être seul pour cette nouvelle année. Hein. On connaît son amour immodéré pour les femmes. Pour et sa bah, femme. Et pour, oui, aussi. D'ailleurs. Elle est partie, non? Et il a passé non. Ce nouvel an avec... 2000 députes. Non, 3 sublimes blondes. Hein. C'est pas vrai. Donc Tiger Woods n'a pas pris de bonne résolution pour 2010. En tout cas, s'il veut sauver son mariage. Oh, c'est un truc de ouf. Mais moi, j'ai pas lu ça, moi. Je capte pas ce qu'il va faire avec 20 bouteilles de vodka et 15 casiers de Red Bull. Oh, le pauvre, bah, faut bien qu'il décompresse avec tous ses problèmes de couple. Ouais, c'est j'ai noyé son chagrin dans ouais, la attends, oui. 20 bouteilles de vodka, il y avait 3 blondes, ils étaient à 4. Ouais. Ils étaient 5 bouteilles par personne. Ouais, mais c'était des vodkas différentes, c'était pour goûter. Ouais, moi, j'ai intérêt, quoi. J'ai vu qu'à Noël, il lui avait offert 300 millions d'euros. De dollars. Je crois que c'est la pension pour le divorce. Ah ouais, bien ça, ah, c'est pas mal. Ça vaut la peine de se marier avec ta... franchement, moi, en tant que mec, je veux bien me marier avec Tiger Woods. Moi, je me paxe. Oh. Alors là, rien à foutre. 300 000 ou 300 millions? 300 millions. Ah oui, 300 000, c'est rien. Je te rappelle pas si c'est du dollar ou pas, mais bon. Il se fait 100 millions mais... de... Enfin, il se faisait à l'époque où c'était une star. 100 millions de dollars juste avec ses pubs. Vous êtes hein? Mignon à dire je me paxe, mais pour payer la pension, il faut qu'il y ait un gamin. Ah ben, on l'adopte. Ouais. Ouais, pour ça, je veux bien me faire. Franchement. Le roux veut bien se faire assimiler. Hein. Je fais monter un utérus. Voilà, c'est ouais, ça. Non, franchement, si vous, si vous me donnez un pourcentage de la somme, je peux faire mère porteuse. Hein. Très bien. Ah ouais, 300 millions, tu peux y aller. Hein. Ah ouais, 300 millions, ouais. Donc 100 millions de dollars, c'était ce qui se faisait par an, juste, juste avec sa pub. Avec, avec les pubs. C'est le sportif le mieux payé du monde. Hein. Enfin, c'était, ouais. Hein. C'était, ouais. Enfin, pour l'instant, ça l'est encore, mais. Il a perdu un peu, oui. Ça va s'arrêter très rapidement. Vous avez vu, Thierry Henry est le troisième sportif préféré des Français. Ah oui, vrai bah oui. Ouais, le premier c'est Chabal, tu vois, lui il joue avec les mains pour de vrai. Ouais, c'est le deuxième Yannick Noah. Ouais, il est pas content. Leub. C'est Leub. Ah ouais. Bah oui, avec son nom bizarre, Sébastien Leub. Oh, écoute, il y en a d'autres avec des noms bizarres. Ouais. Bon, on en parle dans un petit instant, notamment au niveau des résolutions que vous avez décidé, ouais, choisi pour ce nouvel an, ou déjà laissé tomber, peut-être, je ne sais pas. On en parle dans un petit instant. On aura également le jeu des amis. Et puis, bah, bah vous toutes et vous tous, hein, 612, débutez votre message par énergie. Ça fait 5 ans, 5 longues années, et Mickaël est toujours là le soir sur énergie. Pour attaquer 2010, il n'y avait pas de pire nouvelle. Mickaël sur énergie 2005-2010. Enfin, 21h minuit, quoi. Ouais, en gros, c'est un petit peu ça. Mais par contre, 2005-2010 me dérange, je l'avais déjà dit. Hein. Ça me dérange. Non, mais ça fait mort. 2005-2010. Hop, terminé. Ouais, mais c'est le prestige, tu sais, c'est comme si on mettait Bruxelles, Paris. Ouais. Tokyo, je crois. Ouais, ouais, ouais. En ouais, 2011. Oui, bah c'est ça. 2005-2010, tu sais, ça fait, c'est comme sur une pierre tombale, quoi. Ah, il faut le dire que ça fait 5 ans qu'on est là, quand même. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, mais je dis pas le contraire. Mais... Surtout sur énergie. C'est, oui, je te confirme. Ça, c'est pas mal. Mais voilà, c'est juste que ça fait. Et avec la même équipe. Parce qu'après, on va dire, ah, putain, c'est long, tout ça, machin, mais quand même. Non, mais. Ouais, faut dire ce qui est, faut dire les choses. Bon, on va faire avec le même salaire. On va faire. Ouais. C'est ça, faut le dire aussi. Non, moins. Parce qu'on est quand même les seuls à avoir été moins payés. À s'être moins payés qu'avant. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est pour ça qu'on est resté aussi longtemps, on a dû faire des concessions. Hein. Exactement. Bon, alors, on va jouer au jeu des amis avec Cécilia qui est là. Salut, Cécilia. Bonjour. Comment ça va? Salut. Bonne année à tout le monde et surtout à Jack. Bonne année. Je tiens à dire aux auditeurs que Toff est allé dire à Micha de demander aux auditeurs de le dire à chaque fois qu'il passe à l'antenne. Oh, c'est nul, Toff, t'es nul. Bah oui, mais bon. Je vais changer l'envers du décor. Ouais. Bon, en même temps, c'est pas vrai. C'est pour le bon plaisir de Jack. Je sais que ça lui tient à cœur et donc je voulais pas que les auditeurs passent à côté de ça. Voilà, c'était la première de l'année. Ça. À côté de ça, je voulais dire. Oui, on a compris. Bon, Cécilia, on va donc jouer au jeu des amis. Oui, c'est ça. Très bien. Nous allons donc appeler un de tes potes ou copains, copines, peu importe, Paul, Alix ou Priscilla. Bah, je pense que Alix et Priscilla, elles sont en train de manger, donc je pense qu'il n'y a que Paul qui va répondre. Oh là là. Ah oh, oui, là là, oui, effectivement. Bon, on va lui poser 10 questions. D'accord. Si il répond bien à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous, d'accord? D'accord. Très bien. Excusez-moi pour les deux temps, là, mais j'ai eu un coup de pompe là. Oui. Ça va revenir. Hein, oui, c'est le décalage horaire, on a compris. Ouais, bah, je te confirme là. Il y a des gens qui partent super loin, après ils n'arrivent pas à s'en remettre. Ouais, ouais, bah c'est pas que j'arrive pas à m'en remettre, c'est juste que, comme d'habitude, je suis revenu en dernière minute. À chaque fois, je me dis, je vais revenir un jour à l'avance, comme ça j'ai le temps de me remettre, tout ça. Mais non. Mais non, là, il est arrivé il y a quoi 10 heures. Ouais, ouais, c'est ça ce matin. Alors que le roux, il a tout compris, tu vois, il voyage 15 jours à l'avance. Voilà. Il part le premier pour revenir le 2 afin de recommencer le travail le 15. Voilà. Voilà. Ouais. Et là, il est parti un jour et il est content. Bon, allez, on y va, on appelle Paul, Cécilia, on va lui poser des questions. Et puis, s'il répond bien, comme je le disais, à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux. Il me semblait bien que vous aviez fait le débarquement. Ouais, j'ai débarqué de l'avion. C'est tout, à la limite. Il a fumé, Tex. Vous allez passer pour un petit joueur. Non. Par contre, Cécilia, oui. Si ça ne décroche pas. Oui, allô. Oui, allô. Allô. Allô, Paul. Oui. Salut Paul, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Salut Mickaël. Ça va? Salut. Oui, ça va, en pleine forme. Bon, okay. Alors Paul, on va donc jouer maintenant avec Cécilia au jeu des amis. Je vais te poser 10 questions à son sujet. Si tu réponds bien à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux, d'accord? Ok. Ok, bon, j'ai envie de te dire allons-y. Pardon? T'es prêt? Je dis j'ai envie de te dire allons-y. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? J'ai déjà posé des questions, Tex. Bon, si tu sais pas, tu peux passer. Ce sera à ce moment-là considéré comme une mauvaise réponse. Et il faut répondre du tac au tac. Ok? Ok. Allez, c'est parti. Première question. Top, quelle est sa série télé préférée? NCIS. Oui, bonne réponse. Oui, qu'est-ce qu'elle a répondu? Il. Non, elle, pardon, t'avais raison, Tex, c'est moi qui suis endormi. Quel est le dernier livre qu'il a lu? Qu'elle a lu, pardon? Millennium. Millennium, bonne réponse. Oui. Quel est son plat favori? Son plat favori, le maïsho. Oui, effectivement. Oh, c'est bon. Ah, j'aime pas du tout ça, mais bon. Où est-ce qu'elle a rencontré son mec actuel? À 4000. À quoi? Il dit quoi? C'est quoi la question? Je comprends pas. Comment? Tu peux répéter la question? J'ai l'impression d'être en Thaïlande en un moment. Où est-ce qu'elle a rencontré son mec actuel? Dans un magasin. Non, par téléphone. Non. Dommage. Ah. Bah oui. Quel est le prénom de son premier petit ami? Ben, Paul. C'est toi? Ouais. Ah, très bien. Ah, ah, ouais. Du coup, tu sais pas où est-ce que tu l'as rencontré, ta d'accord. Non, je m'en souviens plus. Ah, ou c'est elle qui s'en rappelle plus. Ah, c'est chaud. Très bien. Allez, bim, bonne année. Bon, quel est son objet porte-bonheur? Mon pendentif. Oui, effectivement. Oh, c'est un cœur sur cap, je suis sûr. Non, non, c'est complètement blé. Hein. Oui, mais bon, c'est mignon. C'est oui. Ça, c'est vraiment, c'est un cœur qui... coupé en deux. Non, c'est un médaillon avec mon signe astrologique. Oh, c'est mignon. De toute façon, c'était soit l'un, soit l'autre. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. À quoi est-ce qu'il est allergique? Aux piqûres d'abeilles. Effectivement, oui, bonne réponse. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Est-ce qu'elle a une tache de naissance? Oui. Ça. Deux cuisses, normalement. Oui, effectivement, oui. Bah, papa sera content de savoir que tu sais que sa fille a des taches de naissance au niveau des cuisses. Mais c'est ça, t'as un peu de cul, là, on n'a pas fait une seule... Bah oui, mais bon, après, elle répond mal. Ah, je suis déçu. Bon. Il y a Monsieur X qui passera nous voir tout à l'heure. Oh là là. Je serai content. Sur quelle star internationale est-ce qu'elle est en kiff? Pardon? Sur quelle star internationale est-ce qu'elle est en kiff? Je passe. 30 Seconds to Mars. J'imagine que c'est Jared Leto. Non, tout le groupe. Le groupe d'une complet. Avec le groupe complet, ça fait un peu bizarre, Cécilia. Hein. Ouais, non, mais il m'a demandé une question bizarre, alors. C'est ce qu'il t'a dit. Attends. Il m'a dit un groupe international que t'aimes bien. Je savais c'est pas un nom très bizarre. Bah, un groupe, ou un chanteur, un artiste, quoi, tout simplement. Oui, mais je savais pas qu'il fallait que je sois en kiff dessus, quoi. Ah non, il y a deux questions. Il y a la question sur quelle star tu es en kiff et il y a la question quel est ton groupe préféré, je crois. Voilà, c'est ça. Faut pas mélanger. Oui, oui, oui. Enfin, c'est pas grave. C'est tout à fait ça. Effectivement. J'ai mal compris. Voilà. Et enfin, oui, c'est ça. Et c'est toi qui as fait de la merde, Micha. Quelle est sa plus grande qualité? Elle est franche. Elle est franche, effectivement. Bonne réponse. C'est pas toujours une qualité. Grave. Ouais, ça dépend des moments. Surtout pour les meufs. Bon, bah c'est gagné. C'est gagné. Ouais, texte, t'enflamme pas, on sait. Bon, c'est gagné. Cécilia et Paul, bravo à vous deux. Merci beaucoup à vous. Eh ben, je t'en prie, vous revenez quand vous voulez. Gros bisous. Gros bisous. Et vous salut, repartez là. Bien sûr avec les cadeaux. Je vous renvoie chez Micha au standard. Bon, bah retour du jeu des amis demain dès 21h. Au paquet de rêves, les gants, tout au bain. Voilà, tout au bain. Ah bah, très bien. Ah, Evelyne à la télé qui nous annonce encore du temps froid. Ah, de la neige. Froid. Bah, sur Paris, demain matin, il fait moins 7. Hein. Sur Paris, -7. Moins 7, ouais. Elle est déjà gelée, Sandro. Ah non, idée. Mais c'est frais, c'est atroce. Bah heureusement, il y a du soleil. Hein. Ouais. Bah oui, si, c'est vrai. Hein. Ouais, non, il y a eu un peu de soleil aujourd'hui. C'est parce que... Radio 60 ans et plus, bonjour. Oui, c'est levé à 16h, hein. Forcément, il fallait se coucher. Ouais, c'est vrai, il s'en est pas bien rendu compte, effectivement. Ouais. Bon, pour ta gouverne, il fera moins 4 demain matin. Oui, j'ai toujours tendance à en rajouter. Ouais, c'était un petit peu enflammé quand même. Hein. Oui, bah, il fera moins 7 dans le centre de la c'est France. Oui. Et la journée, plus 2. Oh, tout va bien. Il fait 13 en Corse. Ouais, allons vivre en Corse. Ouais, franchement, ouais. Hein. Moi, j'irais bien installer les studios là-bas. Putain, elle est belle. Bon, on parlera dans un instant des résolutions avec Florian et avec Sarah. On fera le quiz people. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez people avec votre numéro de téléphone. Et puis je vous rappelle, on en avait parlé en début de l'émission, à l'occasion de la sortie du film Bliss, on vous file un séjour sportif pour 3 personnes avec le transport au centre UCPA, CHOP maintenant au 612 également. Débutez votre message par énergie, puis vous mettez Bliss, B-L-I-S-S, BLI2S avec votre prénom, votre âge et votre numéro de téléphone. Allez, on se fait une pause, on revient dans un petit instant avec le son de Agnès. Ça sera On se donne. Bouge pas. Bouge pas. Sandro va déguster son sushi coco Nutella. C'est moins fort dans le bouc que l'odeur. Au pire, ça va vous désinfecter. Et Mickaël revient juste après ça. C'était Amias à l'instant. On se donne sur Énergie. On fera un petit chéri, je t'ai fait cocu tout à l'heure. Si vous voulez venir jouer, n'hésitez pas à vous inscrire au 612. Débutez votre message par Énergie, puis vous mettez cocu avec votre numéro de téléphone. On parlera du bachelor gay aussi dans quelques instants. Et puis, et au niveau des résolutions, il y a un message qui est arrivé. Oh, facile, par SMS au 612 en débutant par Énergie. J'ai décidé de, en bonne résolution, de devenir fan du PSG. Ça n'a duré que 2 minutes, c'était trop dur. C'était facile. On va pas jouer encore. Ça fait sourire le roux quand même. Gros gros match qui arrive pour le Paris Saint-Germain. C'était, oui. En amical. 32e de Coupe de France, ou de Coupe de la Ligue, je sais plus. De Coupe de France d'ailleurs, puisqu'il joue contre une équipe. De merde. Aubervilliers, en Coupe de France, Aubervilliers. Ah oui, oh là là, grosse. Très gros match, ce sera sur France 3. C'est ouais, ouais, bah, ça c'est beau. Faut pas perdre, hein, sur Toro. Non, il faut pas perdre, il faut pas faire comme Carrefour. C'est clair. Bon, Florian qui est là, 18 ans maintenant du 50. Salut Florian. Salut Mickaël, bonne année Jacques. Eh ben, bonne année à toi aussi. Bon alors Flo, tu voulais nous parler de tes bonnes résolutions. Donc moi j'en ai deux cette année. Donc le plus dur c'est de les tenir, hein, tout le monde le sait. Ouais. Donc en fait la première c'est d'avoir ce bac de merde, le bac à la con. Ouais. c'est la première fois que tu le passes ou? La deuxième. Ah ouais. Oh, tu fais quoi comme bac? Le bac S. Ah, il est dur, il est dur, il est dur. Ouais. C'est impossible. Donc le bac S, c'est le même que Sandro. Hein. Exactement, ouais. Moi, c'est le bac S, TT. Voilà. Ouais, mais sans détail, le TT. C'est ça, TT. C'est parce qu'elle y allait, on en dit TT. Voilà. Déjà à l'époque. Ouais. Oh, c'était nul. Oh, c'est honteux. Ouais. Là, c'était pas terrible. Ouais. Mets-toi de dos, là, pendant 5 minutes, on veut pas te voir ta gueule. Franchement, ouais. Franchement. T'as dit, je vais faire où, en fait? Ouais. Putain, ça m'a. Ça, je viens de le remarquer, là. Ça coûte beaucoup moins cher. Bon, Florian, alors, donc toi, tu décidais de, en résolution en tout cas, c'est de passer le bac. Ouais, et en deuxième, c'est d'arrêter de boire, parce que tout le monde le sait, les jeunes boivent de trop maintenant. De boire quoi, d'alcool? Oui, ouais. Parce que de l'eau... Non, mais tu peux arrêter de boire du coca, par exemple. Non, mais là, c'est l'alcool, là, ça se voit. Ça s'entend. Ça se voit, oui. C'est... Ah bah oui, par téléphone, ça se voit. La voix du mec bourré. Ouais, t'es bourrasse. Non. Hein, t'avais bu combien de verres la nouvelle année? Au début, tu arrives à compter, puis au bout d'un moment, tu comptes plus. Ah ouais. Après, tu sais plus. Ah, et moi, je voyais tous les gens comme ça sur le chat, le Facebook, tout le bordel, qui étaient là. J'étais complètement défoncé à la nouvel an, je me souviens de rien, putain, fais chier. Ça arrive souvent, quel intérêt presque. Bah oui, mais oui. C'est grave. Non, mais franchement, il faut s'arrêter à un seuil. Ce matin, j'étais dans la salle de terme au lycée, et tu vois, à côté, t'as 2 secondes qui sont assises. Ouais. Et j'étais en train de faire mon devoir de maison de maths, et là je les attendais parler. Ils disaient, ouais, machin, j'ai bu une demi-bouteille de vodka, j'étais défoncé, je me rappelle plus de rien. C'est là, mais. Pauvre fille, quoi. Oui, t'es gonflé alors que tu fais pareil. T'es gonflé alors que tu fais pareil, voire pire. Ouais, ouais, mais moi je suis un mec, tu comprends, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais t'es gonflé, Flo. Hein. Mais t'as déjà essayé de prendre une de ces deux résolutions-là l'année dernière pour voir si. Non. Ah voilà, c'est ça. Non, parce que le bac, en fait, j'étais persuadé d'avoir. En fait. Mais après, t'oublies quoi. D'accord. Et l'année dernière, c'était quoi ta résolution? D'avoir le bac. Je sais plus. C'est-à-dire, mais ça chaque année. Sandro, ça régime l'année dernière, hein, si mes souvenirs sont bons. Bah, j'ai perdu 10 kilos, alors. Et ça fait chier. En fait, elle aime bien prendre cette résolution tous les ans, du coup, elle migre beaucoup. Et elle reprend tout. Arrêtez, soyez pas comme ça là. Non, mais on n'est pas comme ça là. Demain. Demain, tu fais ton régime. Mais de toute façon, tu commences. Bah, là, j'ai pris une salade. C'est bien, voilà. Là, je mange de la laitue comme une tortue, tranquille, quoi. Prends de la laitue comme une tortue. Bah oui. Je vais crever la dalle toute la nuit, mais bon. Oh, pauvre petite. Non, mais c'est incroyable. Tu veux qu'on te plaigne? Bah, un petit peu, hein, quand même. Non, mais c'est sûr. Non, mais vous pourriez m'encourager, en tout cas. Eh oui, bah oui. Bravo! Sandro est magique! Tu vois, là, c'est tout de suite plus sympa de faire un régime. Ouais, ouais, je propose qu'on commence l'émission comme les réunions des alcooliques anonymes et Sandro. Bonjour, je m'appelle Sandro et aujourd'hui je n'ai pas mangé. Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. C'est pas la galette des rois aujourd'hui? Non, c'est le 6. Ah, c'est le 6. Ah, et le roux va nous payer sa galette des rois. Alors là, mon pote. Je suis passé chez l'épicier là hier, il voulait me refourguer sa galette des rois à tout prix. Ça m'insupporte. Non, je veux pas, je veux des clémentines. Oh là là. Oh, c'était des gâteaux. Ah oui, d'accord. C'est des pimps. Okay. On va faire une galette des rois. Ils sont déjà en train d'essayer de la refourguer. On va mettre une petite fève dans la mandarine, dans la clémentine. Oh, c'est sympa. Puis, si je tombe sur un noyau, c'est bon. Hein. Oui, au final, oui, c'est vrai. Oui, dans la salade, on va mettre un petit verre. Non, mais pour les grandes occasions comme ça, il faut pas se priver non plus, c'est pas bon. Bah non, c'est pas bon. Non, c'est que t'as beaucoup de grandes occasions. Là, moi, j'en ai une grosse occasion devant moi. C'est tout. Oui, ah, c'est vrai, parce que Noël, tu t'en pifferais, Nouvel An. Non, pas tant que ça, ça va. Nouvel An, j'ai pas fêté. Ah si, t'étais en train de repeindre. Oui, mais on l'a, j'ai pas fêté. Non, mais j'ai pas mal fait. J'ai fait du gâteau, mais pas. Ouais, voilà. Non, c'était avant les travaux. En fait, non, je suis rentrée tôt chez moi parce que il y avait tous les connards qui sortaient en bagnole après. J'aime pas trop, hein, donc je rentre vite. Ah, d'accord, ok. Ouais, mais jour de l'an, pour moi, c'est repos maintenant. Hein, c'est, Ah oui, bah, elle a passé un âge. Ou... Ouais, je commence à me faire vieille. Ouais, parce que je me suis dit, hein, putain, je suis vieille, je sors plus, ça y est. Nanico sur TF1. Avec la grande soirée de... Ouais, j'ai regardé tous les bêtisiers. Quoi, là? Ah oui, la grande soirée du Nouvel An, là? Ouais, je sais pas. Ah, il l'a enregistré il y a deux mois. Oui. Non, mais c'est vrai, hein. Mais ils font tous rire quand ils sont c'était là. Sans plus grand. Année, hein. Vous avez des joyeux cadeaux? Oh, oui. Ah oui. C'était les 100 plus grands, c'était de Chavannes. Ah, c'est le Chavannes. Voilà. Ah, c'était, ah bah, d'accord. C'est presque pareil. Ouais, ouais, ouais, et Nico s'était invité sur le plateau. Ah, bah, voilà, bah, c'est pour ça, alors, ceci explique cela. Non, je crois pas, mais c'est pas grave. Bon, attends, il y a Sarah aussi, qui est là. Sarah, 19 ans du 78. Salut, Sarah. Salut. Comment vas-tu? Ça va et vous? Bonne année. Et toi? Bonne année à toi aussi, Sarah. Bon alors, comment ça se passe toi avec tes résolutions pour ce nouvel an? Bah, ce nouvel an, j'ai pris 3 bonnes résolutions. D'accord. Et 3 kilos? Non, perdre 5 kilos. Ah. Perdre 5 kilos, d'accord. Ah, c'est faisable. Ouais, mais... 5 kilos, c'est faisable, ouais. Juste, moi, je juste vais en pour perdre ça... 5, c'est bon, j'ai déjà perdu 3, reste 2. Okay. Grâce à la chiasse. Hein. Alors, franchement, je redonne merci, mon conseil. La chiasse, n'hésitez pas. Polo, lui, en perdre 15, il en a déjà perdu 4. Par contre, Pablo, lui, en perdre... J'ai fait un petit calcul sans lui dire. Il doit en perdre, pour être bien, 40. Ça va, voilà. Tout va bien. Et lui, n'a pas eu la chiasse, donc il a pris plus 5. Ah, hein, il faut voir comment il a bouffé, lui. Comme un porc. Bon, et donc... Non, je voulais juste faire un tour du propriétaire pour bien me rendre compte. Donc, combien mesures-tu? 1m60. Combien pèses-tu? Comment? Combien pèses-tu? 75. Ah oui. Quel est ton tour de poitrine? 95. C'est pas mal. Et la taille du pantalon que tu as acheté? 42. Ouais, ouais, il y a au moins 5 kilos. Hein. Si tu pouvais aller jusqu'à 6 ou 7, ça serait pas mal quand même. Ouais, c'est ça. Quel connard. Il fait sa critique. C'est quoi cette coupe de cheveux? Oui, c'est vrai. Bah, elle est assortie à la chemise. Hein. Pourquoi tant de haine? Pourquoi cette coupe de cheveux? Pourquoi cette barbe? Pourquoi cette chemise? Pourquoi ce pull? Non, et pourquoi la moustache? Non, alors. La grosse moustache! Pourquoi t'es né? Voilà, donc la barbe, c'est parce que je ne retrouve plus ma tondeuse, donc je vais devoir en acheter une autre. Ah, bah parfait, bah, le jour où tu l'as fait, avant de t'épiler la bite, tu me la prêtes parce que d'accord. La mienne est dans ma valise. Écoute, je pense que ça sera pour demain. Parfait. Parce que ça me saoule. Et donc voilà, et donc la coupe de cheveux, bah, le coiffeur est enfermé le lundi, j'irai demain aussi. Ah bah oui, t'as pas bah, de rasoir. Parce qu'il n'y a qu'un seul lundi par an. Hein. Bah non, mais avant ça, j'étais en vacances. J'allais pas aller chez le coiffeur juste pour le plaisir. Je fais pas comme Rouge, je pars pas en vacances pour aller chez le coiffeur. C'est trop cher. Oui, d'accord, mais bon. Ah, voilà. Oh, c'est voilà. Ce mec qui est parti à l'autre bout du monde pour se couper les cheveux. Non, ça coûte moins cher là-bas. J'ai attendu d'être là-bas. C'est ça. Non, il est surtout parti là-bas. Il est surtout parti à l'étranger de manière à éviter le 31. Comme ça, il ne doit pas envoyer de texto. Car il a l'excuse d'être dans l'avion. Ah ouais, mais je peux pas allumer. Ah oui, je pouvais pas de toute façon. Voilà, comme ça, hop, il n'envoie pas de texto à personne. Et hop, ça va très très bien. Et non, mais ils ont pété le record d'envoi de texto du 31. Ah ouais? C'est genre, ils en ont envoyé 6. Attends, j'avais calculé 6 par personne. Enfin, t'as calculé pour chaque personne. T'as appelé chaque personne en France. Il y avait rien à foutre au 31. Non, j'ai fait 60 millions x 6. Et ça donnait le. Ah la vache, 36. Voilà, c'était. Ouais. Voilà. Eh ben, qu'est-ce que t'es fort. Eh bien, bravo aux opérateurs téléphoniques. Ah ouais, là. Qui sont les grands gagnants de l'histoire. Vous avez comme des porcs. Comme d'habitude. Ouais, je crois que le maximum, c'était 18 000 par seconde. Putain, oh là là. Violence. Bon, Sarah, donc, alors, les bonnes résolutions, perdre 5 kilos et... En fait, ça fait 6 ans que je suis avec mon mec. Oui. Et je m'entends bien avec lui. Mmh. Au bout de 2 ans, il me demande de faire un plan à 3. Ouais, d'accord. C'est bon aussi. Ouais, bah écoute, pourquoi pas, ouais, après. T'as pas l'air ouvert, bah, moi. Ah si, c'est des bonnes résolutions, donc t'as dit. Au début, j'étais pas pour. Bah, la bonne résolution de 2010, eh ben, c'était d'accepter. Voilà. Tu l'as déjà fait? La bonne résolution, c'est je me fais péter par deux mecs. Eh, le mec, il est content. Bonne résolution, sa meuf, elle prend plan à 3. Attends, il veut un autre mec ou il veut une autre meuf? C'est deux nanas. Ah, tu m'étonnes, c'est rare les mecs. Ouais. Je veux faire un plan à 3, oui d'accord, bah, on va prendre Robert qui est derrière, c'est mon pote. Très rare. Voilà, mais ouais, bah écoute, et pourquoi pas, mais tu vas le faire... Ceci dit, c'est une bonne motivation pour le régime. Parce que tu dis, putain, faut pas qu'elle soit plus bonne que moi. Ah, ouais. Ou alors tu prends ta copine, tu sais, tu vois, en général, la meilleure amie. La copine, y'a rien de pire. Ouais, la copine moche. Si, tu prends la copine moche. Tu prends une meuf que tu vas pas revoir, je pense. Non mais imagine, je sais pas moi, tu tapes Leroux, vous faites un truc à 3, Leroux, hop. Tu prends Toff. Ouais, au moins t'as pas peur. Comme Salon, il n'a pas peur. Ouais, mais après je serais un peu dégoûté par contre. Pourquoi? Tu te sentiras sale. Bah, oui. Toi, faudra toucher son haut. Ouais, mais je t'aurais touché toi aussi. Ouais, c'est, je sais que c'est ça qui t'excite. Parce que c'est surtout ça le but. C'est que Toff te touche. Exactement. Et je puisse te caresser la rondelle. Ah. Hein, un petit sexe perdu. Ouais, non, ouais, hop, ça dérape, ça glisse. C'est comme une balle perdue. Hein. Oui, t'as raison. Ouais. C'est le hasard. Et hop, là, le roue est embroché. C'est le hasard. Bon, bah écoute, Sarah, ton mec sera à mon avis ravi. Tu lui as déjà dit? Non, pas encore. Et il y en avait une troisième résolution. Bah, avoir ce putain de bac là. Ah, ouais, toi aussi, bac, alors. Très bien. Bon, le plus relou, c'est dans la vie, c'est le bac et le permis. Après, t'es tranquille. Oh, le permis, c'est ouais. Le permis, c'est rien, c'est facile. Ouais, mais ça prend du temps, c'est chiant. Hein, ouais, parce que ça coûte de l'argent. Ouais, c'est vrai. Et puis, faut se déplacer, faut y aller. Surtout qu'avec tout l'oseille que coûte le permis, il fallait retour en Thaïlande. Ouais, c'est le même prix, ouais. Voilà. Bon, après, et évidemment, t'as des problèmes d'assurance. Hein. Et nous, bah, c'est vrai, ça. Quel... Oui, alors moi, j'avais pris une bonne résolution, c'est d'enfin m'offrir des vacances. Éviter de faire attendre les auditeurs au standard longtemps. De quoi, Flo? D'éviter de faire attendre les auditeurs au standard, parce que moi, j'ai attendu quand même 40 minutes. Hein, ce soir. Eh bien, figure-toi que ça fait partie des bonnes résolutions, par l'année dernière, ils attendaient 2h30. Ah. Eh ouais. Donc, pour le moment, on s'y tient. Donc, tu vois, finalement, hein, t'as quand même de la chance. Du progrès. Par contre, fais attention parce qu'on accroche plus vite que l'année dernière. Voilà, exactement. Non, bonne résolution, c'est ouais. Encore des vacances. Non, mais j'aime bien ça. C'est une passion. Après, voilà, je le fais. C'est une passion, les vacances. Ouais, c'est bien. Ben oui. C'est bien comme passion. Ben franchement, ouais. À chaque fois que je reviens, je me dis, mais comment faire pour arriver à trouver de l'oseille pour être tout le temps en vacances? Pour repartir. Chaque fois, je pense à la drogue et puis j'arrête, quoi. Non, mais c'est vrai. Tu te démerdes à chaque fois, quand même. Ben, oui, non, mais j'y reste pas, définitivement, tu vois ce que je veux dire. C'est quand nos prochaines vacances, d'ailleurs? Là, dans 15 jours, je crois. Ah, Pâques, non, y a pas... Non, ouais, non, si, Pâques, ouais, je crois qu'on va se faire un petit peu. Voilà, Pâques, voilà. Apparemment, je suis pas avec le roux, il m'invite, donc... Pas du tout. Tu m'as dit sur où? Ne partir pas, tes propres moyens. Tu m'as dit sur où? Je suis désolé, franchement, ouais, bah, sauf moi. Écoute, je pars en Belgique. Pas de problème. Je t'invite chez toi. C'est gentil. Bon, Florian et Sarah, bonne chance pour vos résolutions. Merci, bonne chance, Michael. Ben merci, Sarah, je te fais des bisous et puis bonne chance. Hein. Merci. Michael. Ciao, Sarah, vas-y, Flo. C'était pour vous dire que vous êtes géniaux, donc continuez comme ça. J'espère que vous allez rester longtemps sur NRJ ou même sur notre radio, je vous suivrai toujours. Ben écoute, c'est gentil. Vous êtes géniaux, puis j'espère vous voir un de ces quatre, voilà. Eh ben écoute, c'est gentil, Flo, mais je vous l'avais déjà dit, hein, on est sur le coup avec FIC et Radio Classique. Ouais. Ah non, mais c'est vrai. Donc, ils sont intéressés par le concept du son US, mais que la musique classique. Alors, on va réfléchir, quoi. On va voir. Bon, en tout cas, merci à toi, Flo. À bientôt. Ok, salut, merci. Bonne soirée. Salut. Ciao. Ciao, Flo. Et puis, on va se mettre un peu de son maintenant. Rihanna avec Russian Roulette. On parlera également de Jackson aussi dans quelques instants. Et puis, Bachelor. Le bachelor gay. Spécial gay. Ah ouais, sans oublier le quiz people qu'on fera dans un instant aussi. Si vous voulez jouer avec nous, 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez people avec votre numéro de téléphone. Son US qu'on mettra tout à l'heure, Rihanna, maintenant Russian Roulette sur énergie. Ah. Oui, ça... T'as toujours l'impression qu'elle joue, et boum. Ça fait mal, hein, le drame. Oui, c'est un peu glauque, t'as remarqué aussi. Rihanna à l'instant, c'était Russian Roulette sur Énergie, 21h minuit, on est là comme tous les soirs. Vos messages encore à lâcher au 612, débuté par Énergie bien sûr, ou sur michael.fm. Et puis je vous rappelle aussi qu'on vous file à l'occasion de la sortie du film Bliss, le 6 janvier en salle, un séjour sportif pour 3 personnes avec transport au centre UCPA. Pour ça, c'est facile, suffit de vous inscrire maintenant au 612, débuté votre message par Énergie, puis vous mettez Bliss avec votre prénom, votre âge et votre numéro de téléphone. Bien sûr, on jouera tout à l'heure avant minuit. Voilà. Bon, et voilà, donc c'est Sandro, hein, qui arrive. Regarde, hein. T'as failli me faire un blanc, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que ça t'est fait? Manger. Je suis parti faire pipi. Ouais, c'est ça. Avec la bouche pleine, ouais. Bien sûr. Normal. Ouais. Elle fait ce qu'elle veut aux toilettes en même temps. Hein. Bon, vous vous souvenez donc de cette grande émission culturelle qu'M6 diffusait, le Bachelor? Ah, c'est vraiment pas terrible. Eh ben, figurez-vous que TF1 a décidé de battre M6 sur, leur propre terrain. C'était un mec, il y avait des prétendantes en fait. Exactement, ouais, tout à fait. Pour l'épouser. Ils ont adapté en plein de façons. Aux États-Unis, ils ont fait avec le Bachelor avec des nains. Ouais, mais ils ont fait avec n'importe quoi. Ils ont fait avec des grosses, ils ont fait. C'est ouf. Là, ils ont fait avec plein de trucs. Ils sont pas loin. Et donc là, justement, ils vont créer un Bachelor un petit peu spécial. À votre avis, qu'est-ce que ça va être? Bah, tu le dis depuis tout à l'heure, donc. Non, mais pour ceux qui viennent d'arriver, tu peux faire un peu le jeu quand même. Oui, ah, on moi, je viens d'arriver, donc. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et le bachelor gay ou faire des bachelors hippopotames. Bachelor roux. Non, c'est un bachelor spécial gay, donc. Hein. Le casting apparemment serait quasiment bouclé, pardon. Et le tournage devrait pas tarder à commencer pour une diffusion cet été en seconde partie de soirée. Ah ouais, à la place de l'île de Tentation. Sa merde, l'île de Tentation. L'île de la Tentation, voilà, c'est presque ça. Donc, je me demande, dans la version originale, donc le bachelor devrait, comme le disait Sandro, devrait offrir une rose aux meufs qui sélectionnaient, et là ben il devrait leur donner quoi, je sais pas moi, un tube de vaseline quelque chose pour que ça rentre plus facilement, je sais pas, j'ai du mal à imaginer la cérémonie de fin, en fait, c'est où le mec doit choisir l'homme de sa vie. Hein, c'est la cérémonie de la rose, ils appellent ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est à la fin, quoi, tu vois. Ouais. Donc peut-être que ça pourrait donner un truc comme ça, tiens, justement. Dès ce soir, un jeune et charmant célibataire va partir à la recherche du grand amour et peut-être rencontrer la femme de sa vie. Bienvenue dans Bachelor, le gentleman célibataire. Nous arrivons au moment crucial de cette première édition du Bachelor version gay. Devant moi, Jean-Claude. Vous comprendrez bien évidemment pourquoi je préfère l'avoir devant moi que derrière moi. Jean-Claude, notre premier bachelor gay qui va maintenant devoir choisir dans qui il rentrera. Oh. Enfin, je veux dire avec qui il rentrera. Jean-Claude, les deux derniers candidats sont face à vous. Ce sont les deux finalistes que vous avez gardés tout au long de ces émissions. Maintenant, faites votre choix. Salut les amis. Bon, bah déjà, je voulais dire que ça a été très dur de faire un choix. Vous m'avez tous les deux tellement donné de plaisir ces derniers jours. Vous avez tellement été attentionné et gentil avec moi, surtout toi Robert, hein, sous tes airs de gros nounours mal léchés, j'ai compris que tu ne demandais que de l'amour et j'ai entrepris de t'aider. Je t'ai léché pour essayer de faire jaillir ta personnalité. C'est vraiment un moment très romantique et inoubliable. Robert, vous avez envie de répondre quelque chose à Jean-Claude? Oui. Déjà, t'as remercié pour avoir grand ouvert aussi bien les fesses que l'esprit. Oh. Ah bah, c'est vrai qu'au début, j'étais réfractaire à l'homosexualité. Hein. Réfractaire, pardon. La fracture, c'est venu après. Oh. Quand on est passé à l'acte. Ouais, plus bon, c'est vrai que t'as réussi à m'attendrir à un bon bain chaud en tête à tête, un peu de poppers en tête à queue, un tube de vaseline en tête moelleux. Voilà, tout ce qu'il faut passer pour une bonne soirée, quoi. Hein. Alors, même si c'est pas moi que tu choisis ce soir, merci pour tout ça, Jean-Claude. Jean-Claude, je crois que, quoi qu'il arrive, vous allez laisser un homme seul avec sa tristesse ce soir. Ah bah oui, et j'en suis tout chagriné, hein, parce que... Je n'ai envie de blesser personne au cœur, je veux dire, hein, parce que avec mon God, j'ai déjà blessé deux ou trois. Ah bah oui, mais bon, vous connaissez l'expression, hein, God bless you. Oh, non, c'est pas ma faute. Enfin bref, avant de faire mon choix, je voulais parler à Steven. Oh, Jean-Claude, tu sais... Non, ta gueule, Steven. Hein, je te demande de pas parler, hein, de... Écoute-moi, c'est tout. Hein. Ça me fait bizarre d'avoir une conversation avec un crustacé. Hein. Si j'avais envie de parler avec une moule, eh ben, j'aurais passé mes nuits avec une femme. Donc, Steven, j'ai beaucoup apprécié tous ces bons moments qu'on a passés ensemble, tous ces nouveaux endroits magnifiques que tu m'as fait découvrir, la piscine, les toilettes, le garage, le tambour de la machine à laver. C'était renversant, surtout le dernier. Bon, je pensais la première fois qu'on s'est vu que tu étais quelqu'un de superficiel. Non, mais est-ce que... Et je me suis trompé. Quand j'ai vu la super ficelle que t'avais dans le cul, je me suis dit, ce mec-là, si on peut appeler ça un mec. Alors je me suis dit, ce mec-là, et pourtant, Dieu sait que tu ressembles à une fille. Oui, je me suis dit, ce mec-là. Oui, Jean-Claude, vous vous êtes dit, ce mec-là, quoi. Ben, je me suis juste dit, ce mec-là, c'est tout. mais croyez-moi, si vous voudrez, j'ai découvert que Steven a dans le string ce qu'il n'a pas dans la tête. Et ça m'a ébouriffé. Merci Jean-Claude. Et est-ce que je peux dire un mot pour répondre à... Non, c'est bon, ta gueule, Steven, on préfère pas que tu parles, hein, ça fait chuter l'audience. Contente-toi de rester torse nu et de te tortiller le cul, ok? Bon alors Jean-Claude, le verdict, qui de Robert ou de Steven choisissez-vous pour égayer vos longues soirées d'hiver? À qui allez-vous donner cette rose? Qu'allez-vous faire de ces pédales? Non, de ses pétales. Bien ça, je vous ai dit qu'il y avait une erreur. Quel sera l'heureux élu qui aura l'honneur et le privilège de se faire titiller la nue. Bien, je crois que je vais donner la rosa. Vous le saurez dans le prochain numéro du Bachelor Gay. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. C'est bien, hein? Ouais, ça peut bien donner. C'est pas mal. On verra s'ils font pareil, je suis pas sûr. Si à TF1, ouais, ils vont nous faire. Demain. On a le nom ou pas de l'émission? Bachelor Gay. Ouais. T'es sérieux? Non, c'est pas ça. Le bachelor entre hommes. Ouais, c'est ça. Pour et les TF1, hommes qui aiment les hommes. TF1, ils développent des grosses séries pour 22h30. Hein. Il y a déjà eu Love and Bluff. Ouais, putain, c'était TF1. Et là, il y a eu ça. Et c'est drôle parce que Flavie Flamand a dit qu'elle regrette d'avoir présenté Love and Bluff. Ouais. Et comme TMC aime bien Flavie Flamand, ils ont décidé de rediffuser Love and Bluff. Ouais. Je crois que la meuf au premier enregistrement, elle se dit putain, pourquoi j'ai dit oui à cette créa. Bon, elle a été payée. Hein. Ouais, mais oui, bah, heureusement, hein, parce que. Ah oui, mais bon, écoute, il y a un moment, faut se le dire. Hein. Bon, on parlera de Jackson dans quelques instants. On va faire le quiz People également. Quiz People avec Nawel et Grégory. Vous êtes déjà là tous les deux? Oui. Ouais, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Ça va, bonne année. Bonne année à vous. Bonne année à Jack aussi. Oui, surtout, oui. Nawel et Grégory, vous restez là, on va jouer au quiz People dans un instant. Ok, ça marche. Très bien, ne bouge pas de là. Attendez, on va faire la vanne pour voir. Evelyne Delia qui est encore à la télé en train de nous annoncer un temps très très froid. Ouais. Combien sur Paris demain encore? Moins 4. Attends, on va vérifier ce que j'ai oublié. Ouais, c'est moins 4. Ah oui, moins 4 le matin et combien l'après-midi? Moins 1. Non, 2. Moins 2. Non, 2. Plus 2. Plus 2. Plus 2, voilà. 4 donc. Ouais, c'est ça. Ouais. On réessayera à 23h13. Ouais, on essaiera à 23h13 à la prochaine rediff de la météo sur LCI. Allez, restez là, on s'envoie un peu de pub et derrière, on se met Class et the Way. What is love? Bouge pas. Christophe part dans une exploration au plus profond de ses narines. Et Michael revient juste après ça. Et voilà le son de classe avec Hadaway. Et à l'époque, quand j'avais 12 ans, j'aurais cru que j'annoncerais ça à la radio. C'est vrai, hein. Darude, Sandstorm. Ouais, ça par contre, je l'annonce à la radio. Tu sais que j'ai retrouvé l'album de Darude dans mon iTunes. Oh non. J'ai jamais téléchargé ça de ma vie. Mais enfin bon, il est pas arrivé tout seul. Hein, bah ouais, j'ai pris ton iTunes à toi. Ah oui, mais ouais, j'ai des vieux sons comme ça aussi. Ah ouais, j'ai tout enlevé. Ah ouais, bah oui, j'ai fait un petit best-of de ce que je mettais avant quand j'étais jeune à la radio. Non mais attends, j'ai enlevé de merde qu'il y avait donc dans ton iTunes que tu m'as donné. J'ai enlevé pour 5 gigas de merde. Ah ouais, mais j'ai un répertoire qui est chanson de merde. Ah oui, et il y a de la merde. Je crois que c'est Daniel Guichard aussi. Et ouais, non, mais t'as la carte. En tout cas, c'est ce répertoire-là que j'ai pris, tu vois. Oui, exactement. Sandro, super de ce côté-là. Voilà, c'est ça, exactement. Sandro, j'ai dit OK pour l'iPhone, mais pas pendant qu'on était à l'antenne. Mais oui, alors donc. Il était dessus, là. Mais pas du tout. Pas du tout, c'est pas parce qu'il est posé devant moi que je suis dessus. Hein. Il est allumé, je le vois d'ici. Ah oui, dis donc, bah, j'ai reçu un message, c'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. Simplement. Putain, l'application Facebook, elle s'ouvre toute seule. Quand tu reçois un message directement. C'est bizarre. Ah bah oui, moi j'ai mis une application pour. Hein. Ouais. T'as mis? Elle a une application pour ça. Oui. Allez, mets-moi une application de Weather oui, Channel. Quand je dis j'ai mis, on m'a mis. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que incapable de mettre, même le gratuit hein, sur l'App Store. Je crois que tout son iPhone doit être mis à jour là, mais elle sait pas. Je ne sais pas. Bon, on parlera de Jackson dans quelques instants. Et puis, on va jouer maintenant, comme promis, au Quiz People avec Nawel et Grégory qu'on avait pris juste avant la pause. Nawel, 17 ans, de Blois. Salut, Nawel. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Bon, bienvenue à toi, Nawel. De l'autre côté, Grégory qui est là, 20 ans, du Havre. Salut, Greg. Salut. Comment ça va? Salut. Bah, écoute, je rentre du boulot. Je suis un peu fatigué, quoi. Mmh. Un peu dégoûté. Ouais, puis on est lundi. Bah, alors. Ouais, début de semaine. Ouais. Vendredi, toujours mieux que le lundi quand même. Oui, bah c'est sûr, parce qu'après t'es tranquille, mais bon, après c'est pas grave, hein. Oh, ça ira mieux demain. Ouais, bah, voilà. Oui, parce qu'on se rapproche du vendredi. Exactement. Bon, Nawel et Greg, vous vous y connaissez un petit peu dans le monde des. De la people, oui. People. Ouais, un peu. Bon, Nawel, tu veux jouer avec qui? Dans l'équipe? Comment ça? Bah, tu veux jouer avec qui? Tu prends qui comme coéquipier ou coéquipière dans l'équipe? Il y a Loro, il y a Sandro, il y a Toff. Non, pas moi. Ah, pas Roux, c'est vrai, c'est lui qui a créé la question. Donc je disais, il y a Jack, il y a Sandro, il y a Toff. Je vais prendre Toff. Tu prends Toff. C'est un très bon choix. Combien mesures-tu, Nawel? 17 ans. Ah merde. Non, laisse tomber. Ouais, elle mesure 17 ans. Et Grégory, tu veux jouer avec qui dans l'équipe? Écoute, je prends Sandro. Très bien, parfait. Ouais, tu pars donc avec un avantage. Un très gros avantage. Comment encore, je dois me mettre? Encore, ça aurait été un... La prendre, Sandro. Oh. Hé, hey, t'es devenue cochonne, ton lit. Ça arrive pas drôle. Quel enfoiré, ce roux. Ah, tu m'en as mis une tout à l'heure. Quoi? Hey, tu m'as mis un taquet tout à l'heure, je sais pas ce que tu m'as dit. En antenne, mec. Ah, peut-être. Ah non, t'as dit que tu dois te retourner parce qu'il avait fait une vanne pourrie. Ouais, c'est vrai. Ouais. T'as dit retourne-toi, mets-toi dos. On s'en souvient bien, tiens, Bon, on y va, le premier qui a la bonne réponse donne son nom. Nawel, tu joues avec Tov. Greg, tu joues avec Sandro, ok? Ok, ça marche. Attention. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répondre aux questions. Répondre à la question, c'est déjà pas mal. C'est que les trucs qui se sont passés dernièrement. Voilà. Quel people s'est vu refuser une apparition dans les Simpsons et pourquoi? Trois propositions. Enfin, je l'ai vu. Je sais. Il y a trois propositions. Il faut attendre que les trois propositions aient été données. Jackie Chan, trop jaune pour la série. David Beckham, pas assez connu. Paris Hilton, car même en dessin animé, elle n'aurait pas su jouer les comédies. Sandro. David Beckham. T'es d'accord avec ça, Greg? Bah écoute, je fais confiance à Sandro. Hein. Bonne réponse. Pas assez connu. Ouais, le producteur de la série, il l'a appelé, et il lui a dit, écoute, t'es pas assez connu aux États-Unis, donc tu passeras pas dedans. Parce qu'apparemment, genre, il y a des listes. Les acteurs, ils demandent pour être dans la série, il y a toute une liste. Et, ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est comme la série américaine Entourage, il nous avait expliqué l'acteur. c'est la vieille meuf qui parle américain. expliquait que au début, il galérait un peu pour avoir, comme moi là, en ce moment, pour avoir des people dans la série. Et puis une fois que la série a commencé à faire un carton, ils font la queue pour. Ils veulent tous y aller quoi. Ah, ils sont dedans, ouais. Le roux, il voulait tourner dedans aussi. J'ai accepté, j'ai joué en photo. Non, il a joué. Un mec qui était mort et il a dit qu'il avait la couverture dessus. Ouais. Oui, pas, ouais. C'était un beau c'est rôle. Pas mal, hein. C'est un beau rôle. C'était un beau rôle. Bon, deuxième question. En parlant de ça, justement, on a mis une vidéo sur un des blogs, je sais pas lequel c'est le mien ou quoi. Ça doit être le tien. Si ça a été fait. Il te montre les trucages des vidéos. Des séries américaines. Fatigué là. Je sais qu'elle a rien foutu pour les vacances. Et tu vois que la plupart des séries, elles sont pas du tout tournées là où ils disent qu'elles sont tournées. Ah non, en fait, quand il y a une scène qui est tournée dans la rue, c'est pas vrai, il y a un fond vert et puis après ils incrustent des images. Ah oui, mais c'est pareil donc pour les. Donc ils montrent tous les trucages sur la vidéo qu'on a mis sur le blog. Même Joséphine Ange Gardien, c'est truqué. Non, mais ils sont pas intéressés du tout à cette série. Hein. Ouais, je crois pas qu'ils aient eu le temps de s'intéresser à la série, si tu veux. Bon, la deuxième question. Elle est super bien faite la petite quand même. Deuxième question. À qui Bradley Cooper a offert une journée de spa? Ah, je sais. À Jennifer Aniston, parce qu'au moins quand elle se fait masser, elle ferme sa gueule. À ses chiens, parce qu'il les a trop délaissés pendant ses tournages. Ou à Susan Boyle, parce qu'il l'avait confondu avec un de ses chiens, justement. Sandro. La B. Qui était Les chiens. À ses chiens. T'es d'accord avec ça, Greg? Bah oui. Ouais, bon. Ouais, s'en fout, Greg. Bonne réponse, hein. Sandro est trop rapide, on va dire. Tu peux jouer aussi, ouais, Nawel. Tais-toi un peu. Oui. Troisième question. Qui a déclaré « Ma vie est foutue, je suis perdu » ? Un des acteurs de la saison 6 de Lost, Miss Paris à cause de ses photos perso, Susan Boyle qui s'est vue dans un miroir pour la première fois. Sandro. Allez, laisse-le à Toff. Non, bah non, c'est pas bonne joie du tout. Elle. Miss Paris, la B. Miss Paris, Ok. T'es d'accord avec ça, Greg? Oui, tu peux dire non parfois aussi, hein, celui-là. Pas du tout, hein. Si elle cherche du réconfort, elle peut m'appeler. Hein. C'est ça. J'ai quatrième beaucoup question. Aimé ses photos, et c'est à Susan Boyle. Non, Miss Paris. Ouais. Dans quel domaine David Beckham va-t-il se reconvertir? Dans la mode, parce qu'il n'en peut plus être habillé par sa pouffe. Déjà pas les dessins animés, c'est sûr. Dans le football, il commencerait à être temps de le voir jouer un peu au lieu de montrer sa gueule dans tous les magazines. Ou dans le gouvernement français, Sarko sera très content de lui trouver une place. Sandro. Sandro. La A. Dans la mode. Oh, attends, t'arrêtes, c'est plus drôle. T'es d'accord avec ça, Greg? Oui. Ouais, t'as pris un gros avantage quand même. Hein. Ouais, là, pour la peine, effectivement. Pourtant, il a eu la galanterie qui a joué. C'est Nawel qui a choisi en premier. Hein. C'est vrai. Hop, question suivante. Quel est le people qui a eu le plus d'espoir en cette année 2010? La Rousseau, puisqu'il va sortir un album. Johnny Hallyday, car il est persuadé qu'il va finir l'année. Ou Susan Boyle, car elle attend le grand amour. Sandro. Susan Boyle. T'es d'accord avec ça, Greg? Ouais. Ouais, moi j'aurais dit Johnny Hallyday, mais. Bah, t'es d'accord avec ça, Nawel? Bah, Nawel, elle est pas avec moi. Hein. C'est pas grave, Tof, il a répondu à un truc. Ah oui, mais donc moi c'était pas ça? Si. Bah voilà, donc il y a un point pour moi, il n'y a pas besoin de demander l'avis à Nawel. Hein. Ouais, mais c'était aussi un bon point pour Tof. Pourquoi? Parce que c'est les trois bonnes réponses. Non, arrête. Bah si. Non, c'est nul de faire ça. Oui, mais si, c'est ça. Non, t'es en train de l'aider là. Montre-lui. Car les trois sont. Genre, dans les magazines, il y avait écrit Johnny, il croit qu'il a passé l'année. Mais ouais. Non, mais il n'y a pas de ça. Il n'y a pas écrit. Si, c'est ça depuis tout à l'heure. C'est des infos que vous avez vues dans les journaux. Quel est... Oui, d'accord. C'est vrai, répète la règle de la question. Et c'est quel vrai. Est le people. Elle écoute même pas les questions. Quel est le people qui a le plus d'espoir en cette année 2010? On s'en fout des journaux. Trichez, allez-y. Oh là là. Qui a déclaré: je serais ravi d'organiser le mariage de Robbie Williams? Jay-Z, qui une fois de plus a trouvé le moyen de se faire du blé. Susan Boyle, qui espère se le faire une fois qu'il sera bourré. Ou la femme de Robbie, parce que bah, lui ne veut pas se marier. Sandro. Sandro. Jay-Z. Jay-Z, bonne réponse. Elle est contente. Elle est contente. Mais non, je l'ai fait. C'est l'année 2010. Donc, pourquoi tu tentes pas? Elle est des poissons. Mais j'ai pas le temps, j'ai mais pas le temps. Mais dis un truc, dis B. Mais je vous. Non, mais laisse, Tof, te prends pas la tête. C'est question suivante. C'est qu'un jeu, Tof. Hein. Bah quel cadeau? Bah oui, t'as raison. Quel cadeau? Il gueulait il y a 30 secondes. Quel cadeau Zac Efron a fait à Vanessa Hudgens pour ses 21 ans? Un agent pour qu'elle arrête de tourner dans des merdes comme High School Musical? Des arbres fruitiers pour avoir un beau jardin? Ou un chien pour qu'elle ne se sente pas seule quand il la fera coquille? Nawel. C. La C. T'es d'accord avec ça, Tof? Écoute, oui, si elle, fout, si elle le dit, j'en sais rien. Donc, mauvaise réponse. C'est ballon. Sandro, la B. La B, bonne réponse. Des arbres fruitiers. Fruitiers pour ça, avoir un beau jardin. Putain, allez, restons dans les cadeaux de Noël. Qu'est-ce que Victoria Beckham a offert à son mari pour Noël? Une nouvelle coupe de cheveux, ça faisait déjà deux jours qu'il avait la même. Un bulldog comme ça, David peut se dire que finalement, il y a plus moche que sa femme. Oh, une nounou pour ses enfants, c'est toujours mieux qu'une poupée gonflable. Tof. Tof. Un bulldog. Un bulldog, bonne réponse. Ah, tu vois, on en aura mis un. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Deux, parce qu'il y avait la question d'avance. Ah oui, c'est vrai. Trois réponses. Et la dernière, qui compte... Arrête, oh, arrête un peu de faire des tricheries comme compte ça. Pour 10. Qui compte... Quintuple. Ah ouais, quand même. Ah ouais, bonne question quand même. Qu'a déclaré Nick Jonas après la nuit où il s'est dépucelé pendant sa lune de miel? Ah bon, c'est tout? Paye ta chatte, ma cochonne, je leur paye une pour les allers-retours. Ou facile, maman m'avait montré comment faire. Sandro. Sandro. Bah, là, c'est, j'espère. Là, c'est. Hein mauvaise réponse. Maman m'avait montré comment faire. Il a pas dit paye ta chatte quand même. Non, mais maman m'a montré comment faire. Mais par contre, Tof a bien répondu. Ah bon, c'est tout. Victoire de Tof. Non, arrête, ça se fait pas. Non. C'est qu'un non. Merci. C'est que merci. C'est gagné pour nous, arrête. Merci. C'est comme quoi, c'est vraiment une course de fond. Et hein, c'est, l'important, c'est pas de se dépêcher, c'est d'arriver jusqu'au bout. Comme quoi, c'est une bonne équipe d'enculés, moi, je dis. Comme quoi, tu devrais arrêter de croire que 2010, c'est l'année du poisson. Attends, 2011, l'année du thon. Peut-être. Tu parles pour toi? Oui. Ça, ouais. Voilà. Bon, ben malheureusement, Greg, tu as choisi le mauvais cheval. Arrête, ça se fait pas. Tu vois, pourquoi vous l'aimez vénère, la putain? C'était toute l'année, arrêtez. Ah, on sent qu'elle était plus de bonne humeur cette semaine. Hein. C'est parfait. Non, bon, t'as perdu. Ah, ouais, c'est un peu ça, bon de jouer. Arrêtez, c'est la règle du jeu. C'est qu'un jeu. Pas, là, en plus, c'est ton terrain, quoi, les people. Exactement. C'est pas vraiment mais t'inquiète pas, tu vas pouvoir jouer au chéri. Le terrain est là dans un instant. Ah, je suis ravi. Putain. Bon, Greg. Oui. Et Nawel, salut à vous deux, vous retournez au standard, d'accord? Ok, ça marche. À bientôt. Ciao. Salut à vous, bye bye. Bon, et nous, on revient dans un petit instant avec déjà tout à l'heure aussi l'info. Pour prévenir Michel, qui a gagné? Qui se trompe pas dans la prise de coordonnées? Oui, c'est Nawel. Hein. Non, c'est pas Nawel, c'est Greg. Ah oui, Greg, il par s'en contre, fout, c'est... il va pas rappeler de toute façon. Mais tu l'avais pas dit dans les règles du jeu que la dernière elle comptait qu'un tuple, donc tu l'as. Je l'ai dit. C'est en milieu de parcours, juste pour me faire chier, que tu as décidé que tu changeais les règles. Je l'ai dit avant de donner la réponse. C'est vrai que c'est un jeu, hein, c'est pas dramatique en soi. Allez, on aura le Mac du jour aussi, le premier de l'année, et puis on enverra The Black Eyed Peas tout à l'heure avec The Meet Me Halfway. Et donc effectivement, Greg gagne, c'est son droit qui paye. Cher petit papa. Cher grand-papa Noël, Cette année, j'ai été très sage et j'ai traité personne de pauvre con. Je voudrais que tu m'apportes un nouvel avion tout neuf, encore mieux que celui d'Obama, pour partir en vacances. Je voudrais aussi que les Français m'aiment plus, parce que franchement, cette année, les sondages n'étaient pas terribles. Et aussi, j'aimerais que Michael et toutes ses racailles me laissent un peu tranquille. Sinon, j'appelle Besson. Et hop, un carcher pour... un charter pour le Portugal. Bien amicalement, Nicolas Sarkozy. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Énergie, Michael, l'animateur le plus cité dans les demandes de cadeaux au Père Noël. Oui, c'est vrai, hein. N'est-ce pas où? Tu l'as vérifié? Grave. Quoi? Bon, une fois, c'est pas de quoi on parle. Mais si, on en parlait de Sarkozy, là. T'as dit un, c'est vrai. Ouais. Bah si. C'est facile. Accroche-toi à la chanson qui vient de passer. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, il y a Christine qui est là maintenant pour un petit chéri, je t'ai fait cocu. Salut Christine. Oui, salut Mika. Oui. Comment salut, ça va? Oui, salut. Vous m'entendez? Mais oui, on t'entend. Je vous souhaite une bonne année à tous. Bonne année. Bon, c'est gentil, Christine. Christine qui va faire un petit chéri, je t'ai fait cocu dans un petit instant, c'est ça? C'est ça, oui, exactement. Parfait. On appelle qui? Enfin, ton mec en l'occurrence. Oui, voilà, Christian. D'accord, ok. Oh, Christine et Christian. Ils sont pas bien trouvés. C'est pas ringard, ça. Ouais, c'est pas vrai, pour la peine. Bon, alors, et qu'est-ce qu'on va lui faire croire à Christian? Ben, je vais lui faire croire que j'ai rencontré quelqu'un il y a à peu près 2 mois, un concert. Et puis voilà, quoi. Donc, j'aimerais que qu'est-ce passé pour lui. Et il s'appelle Nicolas. D'accord. C'était quoi le concert? C'est un bandeau. Hard rock. De hard rock. Voilà. Ouais, non, au pif, non, il aime bien, et puis il sait que de temps en temps j'y vais, et puis voilà. D'accord. Très bien, parfait. Bon, et donc c'était censé être il y a combien de temps? Ça fait 2 mois à peu près. D'accord, ok, 2 mois, impeccable. Et le concert c'était où, à peu près, hein? Quelle ville? Ouais, c'était dans un bar, un pub. Dans un bar, un pub, ok, très bien. Ok. Bah, dans un bar, un pub à Strasbourg, quoi, voilà, tout simplement. Oui, voilà, on va dire ça. Ok. Très bien, bon, eh ben, écoute, bien sûr tu es chez moi, hein, évidemment, au cas d'accord. Où il commence à s'énerver, comme ça il pourra pas savoir où tu es. On va donc l'appeler maintenant, au plus il s'énerve, Christine, au plus tu as de chance de repartir avec les cadeaux, d'accord? D'accord, on va essayer. Bon, t'es prête? Oui, je suis prête. Allez, on y va, on l'appelle. D'abord sur le portable ou le fixe, tu penses? Sur le fixe. Sur le fixe, allez hop, c'est parti, on y va. Bonne okay. Chance. Non, c'est ça l'occupé, déjà ça commence mal. On va l'appeler sur le portable pour voir. Voilà. C'est bizarre ça l'occupé. Il est au téléphone avec une meuf, ça peut arriver. Ah ouais, c'est possible, ouais. T'as quoi l'envers? Ouais, drôle. Mais s'il est au téléphone, là, il va pas répondre. Yes. Oui, salut, c'est moi. Salut. Tu m'entends? Oui. Ouais, bah écoute, j'ai oublié de te dire, là, que j'ai oublié de te dire, nouvelle c'est résolution, le là, pour 2010. Ouais. Et en fait, j'ai oublié de te dire, donc, ma résolution, c'est d'arrêter de mentir. Ok. Ouais. Attends, et puis, bon, comment? Oui, je t'entends pas. Ouais, moi, je t'entends pas bien non plus. Ouais, donc, il y a 2 mois à peu près, tu sais, j'étais à un concert. Mm-hmm. Et puis, j'ai rencontré un gars. Et il s'appelle Nicolas. Et puis, ben voilà, quoi, il est super beau, il est génial. Il fait la bécane, tu sais que j'adore la bécane. Mm-hmm. Les cheveux longs aussi. Tu sais que j'aime les mecs aux cheveux longs, n'est-ce pas? Oui. Et ouais. Voilà, quoi, donc, tout va bien. Et donc, alors, j'ai décidé de plus mentir, et voilà, quoi. Là, je suis chez lui en ce moment. Et voilà. Génial. Je peux pas dire mieux. Alors, bon. Tu comprends peut-être aussi, là, les fois, tu sais. Voilà, où, voilà, les quand je dis, allez, rentre, maintenant. Ah, tu me trompes depuis 2 mois. Bah oui, t'avais aussi dit, t'avais pas remarqué toi-même aussi que ça fait 2 mois que je suis bizarre. Et les petites sont tout seules à la maison? Non, non, je les ai emmenées avec. Oh, non, ouais. Pas non, voilà, quoi. Pourquoi tu me racontes ça maintenant? Bah parce que j'ai décidé de plus mentir en 2010, quoi. Ça fait 2 mois que je mens, et c'était vraiment un accident, quoi. J'ai couché une fois avec lui, puis Mais attends, oui, les petites sont avec toi? Oui. Et où ça? Chez lui. Il habite où? Ouais, je veux pas te le dire. Oh, Christine, t'as fini ou pas? Bah, presque, oui. Bah, j'ai mis de la musique, là. Et ouais. Parce qu'elle n'est pas trop fort, hein, parce que je la gagne aussi. Non, non, t'inquiète, j'ai les gros murs. Et ouais, ça va, il n'y a pas que les murs qui sont gros. Hein. Si on s'en branle, il faut bien qu'elle s'y mette un jour ou l'autre. C'est clair. Bon, qu'est-ce que tu fous au téléphone? T'es avec qui, là? Avec Christian. Tu sais, j'en ai parlé. Oui, mais bon, enfin, t'es quand même gonflé d'appeler ton mec de chez moi, hein. Enfin, ton ex. Bah, tu t'es demandé, t'as dit oui, donc y'a pas de fou bien que je prévienne, non? Pas 3 heures. Bah non, bah non. Et bon, faut quand même que je prévienne. Enfin, en même temps, il a pas l'air très causant, hein, d'après ce que je vois. Ouais, j'ai pas eu de dormir encore. On t'a réveillé? Non. Non? Ouais, bah voilà, quoi, donc la vie est belle, quoi, elle est géniale. Ah, bah c'est bien. Ouais. C'est une blague ou... De quoi? C'est une blague? Non, c'est pas une blague. Pourquoi c'est une blague? Tu es du style à faire des blagues comme ça, non? Pourtant, c'est la musique que t'aimes en plus. On a les mêmes goûts musicaux. C'est cool. Non. Allô? Cri-cri. Ah, il est parti. Il est parti. Oh, tu l'as vexé. Ah, non, ça a coupé. Ça a coupé parce qu'il allait parler et ça a coupé. Ouais, il est de temps, Christine. Bah ouais, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, c'est lui qui s'en bat les couilles, c'est pas grave. Hein. Ouais, non. il t'aime pas, c'est pas grave. Mec. C'est le premier d'année, là. Bah ouais, c'est pas grave. Ouais, bah non, c'est clair. Bon, on le rappelle. Ouais, on va essayer, ouais. Bah, rappelle le direct, mec. Enfin, Nicolas. Oui, c'est ce que je vais faire. Après, il va te gagner l'ambiance encore ce soir, hein. Il faudra que ça sonne. Ah ben on n'est pas à l'abri que ce soit effectivement la batterie. Ah non, attends. Ouais, ça a coupé, c'est pas moi. Ouais, Christian. Ouais. C'est Nicolas, c'est la dernière fois que tu m'as raccroché, hein. Mais je t'ai pas raccroché, ça a coupé. Ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. J'étais en train de te parler, boum, j'ai entendu la sonnerie là, si tu veux. Non, je n'étais pas là qui a parlé, c'est Christine qui a parlé. Et ouais, a coupé. Ouais, c'est ça. Attention avant que je m'énerve, ok? Ouais, énerve pas seulement. Non, mais reste calme, c'est tout ce que je veux dire, moi. On me raccroche pas au nez, moi. Ouais. Alors, tu raccroches au nez peut-être de Christine, de je sais pas qui, mais tu me raccroches pas au nez, tu vois. Ok. Hey. Il est raccroché. Ah, bah, il t'a raccroché au nez, là. Ah, il chèque. Ah, là, je commence à douter si ça a vraiment coupé. Ouais, là, par contre, ouais, là, je crois pas que ça ait coupé, hein, ça va dire. Bon, on rappelle. Ou alors, il a vraiment un téléphone pourri. Oui, ça, c'est possible aussi. Bonjour. Ah merde. Vous êtes sur la messagerie Orange. Oui, on a compris qu'on était sur la messagerie, ouais. Ah oh bah écoute, il est pas mal, hein. Christine ? Oui. C'était génial. Bon bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Rien. Ensuite. Non mais ça arrive. Non mais c'est pas grave, hein. Micha va le rappeler hors antenne et enfin, va essayer. Va plus laisser un message hors antenne pour quand même lui expliquer, hein. Mais par contre, toi, tu t'en fous, tu dis, ouais, elle est où la petite? Ah, je l'ai prise avec, hein, je vais me faire défourailler par Robert, là, enfin non, par... Nicolas. Par Nicolas, et puis voilà, hein, ça va bien se passer, ouais, hein. Quoi? De quoi? Non, mais c'est bien le test, on va mettre les choses au point, là. Ouais, tu vas voir, le pauvre, il va se faire démonter alors qu'il est pour rien. C'est ça. Bon, non, Christine, je te fais des bisous. Ouais, non, moi aussi, à tout le monde, et puis... un séjour peut-être. À bientôt, salut Christine, okay. Ciao à toi. Bon, bah, c'est pas grave. Et si vous voulez faire un petit chéri qui te fait cocu, n'hésitez pas, on remet le couvert demain dès 21h, Sandro. Oui. Prise en flagrant délit de Facebook. Mais pas du tout. Si, tu viens d'envoyer un message comme quoi apparemment un canapé te branle. Oh bah, qui c'est qui m'a piraté, ouais, mon Facebook comme ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, il me fait chier avec son canapé là aussi. C'est ça, il y a un mec qui veut nous donner un canapé. Il a commencé le compteur. Mais c'est à cause de toi, tu lui as pas dit qu'on en voulait pas. Monsieur Bricolage. Alors maintenant, comme voilà, il sait pas comment le jeter dehors, il faut aller le chercher. Mais prends un canapé, tu fais ça tout le temps. Toi, parce que et faut conduire une camionnette, qui c'est qui va la conduire? Laurent. Les mères. Le week-end, le Sandro, elle fait elle refait vos appartements, hein, si vous voulez. Hein. Et maintenant, elle se fait un nouveau métier là, donc elle refait les appartements. Par contre, fait celui du roux. Ah, très bien. Le sol. Faut refaire toute la cité, hein, de toute façon. Le roi habite dans un HLM. Un HLM, mais pas une cité. Non, un HLM, tout simplement, c'est tout ce que je voulais dire. On parlera de Jackson dans quelques instants. On fera aussi le premier Mac du jour de cette année 2010. Et puis on va s'envoyer Black Eyed Peas avec Meet Me Halfway qui arrive juste après. Vous voulez ça, une bonne vanne? Oui, allez, fais-nous une bonne vanne. Juste parce que je vois sur un site, Angie se concentre sur sa carrière musicale de Secret Story. Ah, mais bonne vanne. Ah, ouais, effectivement, c'est la meilleure de la soirée. On se prend la gueule là, tu vois. Bon, allez, on revient après, ça reste là. Bouge pas. On compte ses économies. Il en manque une. Et Mickaël revient juste après ça. Et Mickaël revient juste après ça. C'était le son des Black Eyed Peas à l'instant avec Meet Me Halfway. Et puis on va parler de Jackson maintenant. Et oui, pas mal d'infos sur Jackson, c'est arrivé. Son héritage serait en danger. Hein. Si on additionne toutes ses dettes, le montant s'élève à plus de 20 millions de dollars. Bon, c'est entre pas les... énorme, ça va. Ah, attends, ouais. entre les vendeurs d'objets de collection, les cabinets d'avocats ou même la famille Jackson elle-même, les dettes de Michael Jackson sont quand même colossales. Hein, parce que 20 millions d'euros, c'est quand même une belle somme. Hein. Ouais, enfin, mais ça va se renflouer. Bah oui, avec tout ce qu'il a vendu. Ouais, là, c'est ça. Bah, T'imagines que là, sur les classements 2009, il est genre premier, deuxième, troisième, quasiment tout le temps, quoi. Ah ouais, on avait parlé d'ailleurs l'année dernière. Et sinon, Joe Jackson qui porte plainte contre le Cedar Sinai Hospital, hein, celui où Johnny était d'ailleurs. Hein. Donc Joey, le père de Michael, juge que l'hôpital est en partie responsable de la mort de Michael. Ah oui, tout à fait, oui. À savoir qu'il était mort avant d'arriver. Et donc il veut un accès direct au rapport d'autopsie et aux dossiers médicaux de son fils afin de prouver que Michael a été victime d'un meurtre. Ah ouais, lui il va loin, ouais. Ouais, lui, c'est intelligent comme remarque. Bah, pourquoi il va loin? Bah, parce que apparemment il était déjà mort chez lui. Tous les hôpitaux pratiquement sont impliqués dans la mort des gens, puisque c'est là qu'en général les gens meurent. Oui, ouais, mais enfin, tu vas lui reprocher de penser que c'est peut-être effectivement un meurtre. Oui. Lui, il veut juste le dosier médical avec l'autopsie. Bah, il veut juste se faire l'oseille encore en disant. Ah, bah oui, après, connaissant un peu le personnage, enfin, de ce qu'on en dit dans les médias, oui. C'est ça. Il a bouffé avec elle cet été, là. C'est un connard. Hein. Un connard, le mec. Bon, et puis, un nouveau son de Michael vient de sortir en duo, apparemment, avec Lenny Kravitz. Mais alors il commence bizarrement ce morceau. Ouais. C'est pour ça que j'ai des doutes. Hey man, it's your boy Kells. And I'm here with my main man, DJ Thucky. Y'all know who it is. Let's get it. C'était Lenny Kravitz, quoi? Non. Chaos. My life has taken me beyond the planets and the stars. The only one that could get me this far. I'll be forever searching for your love. DJ Thucky and Kales, let's go! Mais non, déjà c'est toujours sympa. Oh, c'est sympa. Il me dit quelque chose. Ouais. Ça me dit quelque chose. Non, la chanson elle est sympa, mais par contre, c'est vrai que ça me dit quelque chose, mais oui, je pense non, pas que j'ai déjà entendu. Le mec par-dessus, en fait, ça doit être, ça se trouve sur une radio américaine qui l'ont diffusé, ça c'était animateur. Ah ouais, peut-être. Ouais, c'est possible. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est mais par contre, on n'entend pas trop les Kravitz. Hein. Si, on l'entend. Ouais, mais je crois qu'on l'entend plus à la fin du morceau. Ouais. Ouais. C'est lui là. Ouais. Je ferais de la guitare déjà. Vous en pensez quoi, Christopher? Oui. Ça va? Oui, et toi? T'en penses quoi du Jackson Kravitz? Bah, j'ai pas entendu en fait. Ah bon? Ah, ok. Ouais. T'entends pas dans ce temps dans la musique? Ah merde, oui. Non. Ah bah oui, c'est Jack qui avait poussé sur moi. Mais par contre... j'avais poussé comme ça pour le chéri, je t'ai fait cocu, oui, ça. Bah oui. Il doit y avoir un truc quand même avec la chanson, parce qu'on a eu du mal à la retrouver, parce qu'il y a... Enfin, si tu vas sur tous les sites où il y a la vidéo, en fait, t'as BMG a demandé de retirer cette vidéo. Donc il doit y avoir quand même un truc avec la vidéo. Donc on a quand même réussi à la trouver. Oui, enfin, on a galéré quand même. Oui, mais enfin, on la trouve, c'est le principal. Hein. Bon, Chris, c'est toi, tu nous avais... Je suis sûr, j'y vais maintenant, je la trouve. Toi, tu nous avais... genre le grand patron. Toi, tu nous avais appelé par rapport aux résolutions. Donc, t'as pris quoi comme résolution, toi, pour cette année, Christopher? Bah, donc, moi, c'était parce que, en fait, je prenais un peu d'argent dans le porte-monnaie à ma mère, des fois, parce que... Un peu, hein. Un peu, c'est cool. C'est normal, elle te donnait pas assez, t'as raison. Voilà, c'est pour ça. Combien? Bah, pas beaucoup, 10-15 euros par lot. Oh bah non, oui, c'est rien. Mais par jour, c'est tous les jours, ça fait cher. Non, bah non, quand même pas. Quand même bah, pas 15 tous les euros, jours. C'est chaud. Non, mais parce... non tous les deux jours. Hein. Non, parce qu'elle n'avait pas. Ah, elle me donnait pas assez d'argent de poche, donc c'est pour ça. Elle n'avait pas les moyens. Elle donnait combien d'argent de poche par mois? Bah, pas beaucoup. Oui, mais combien 5-10 euros. Ah ouais, donc tu servais plus du double. C'est... Moi, c'est rien. Non, mais j'ai pas dit que c'était bien ou pas bien. C'est juste que si elle te donne 5, tu te dis, non, elle me donne pas assez. Allez, je vais prendre 7, 8. Non, 15 en plus. 15 euros. Bah, comme ça, il a 20. Hein, c'est... Non, c'est mieux. Mais tu le prenais tous les mois ? Non, non. Ou plus ? Bah, un peu plus, ouais. Non, là, ouais, enfin, ça se voit un moment. Hein. Comment elle se rend compte de rien ? Elle t'a jamais rien dit ? Non. Bah, et non, franchement, moi, quand j'aurai des moutards. Qu'est-ce que c'est moche. Déjà, je te souhaite pas de les avoir si tu les appelles comme ça. Ouais, je vais remarquer direct s'il y a un billet qui... Déjà, il faudrait que tu aies des billets. Oui, ça c'est vrai. Non, mais en monnaie. Oui, enfin même, si j'ai pas... Ah, en monnaie, oui, ça se voit pas. Si tu prends un euro, trois jours après, tu en prends quatre. Ah voilà. Oui, comme ça, petit à petit, oui, ça se voit pas. Ah si, quand même. Tu le verras pas dans l'euro. Et moi, je fais exprès de pas avoir de monnaie, moi. C'est ça, ouais. Donc, c'est bien de prendre ta résolution déjà en disant, effectivement, je vais arrêter de voler. Non, mais je pense que je vais réussir. Non, bah écoute, je pense. Pour et pourquoi tu en résolution. T'as une voix de petit con, toi, je trouve. Hein. Pourquoi en résolution, tu dirais pas, tiens, je vais être aussi honnête, je vais le dire à ma mère que je faisais ça. Oh bah non, quand... non. Et je vais lui rendre. Bah là, il se fait démonter, là. Hein, grave. Logique, hein, ceci dit. Et surtout si tu rends l'oseille, ça c'est fort. Non, tu es fou, quoi. Pas déconner non plus. Prendre l'oseille à sa mère, non, quand même, faut pas abuser. Ça, je veux bien éventuellement arrêter de lui envoler, mais pas lui rendre. Qu'est-ce qu'elle est achetée avec? Comment? Qu'est-ce que tu faisais? T'en faisais quoi d'argent? C'était pourquoi? Bon, peu importe. Tout et n'importe quoi? Non, ouais. Peu importe. Mais dis-nous! Bah, des bonbons, je sais pas. Non, parce que depuis tout à l'heure, on dit, ah, t'as pris combien? Oh, ouais, beaucoup. Et tu faisais quoi avec? Oh, peu importe. Bah, non, pas beaucoup. Pas trop non plus, quoi. C'est pas 30 euros par mois. Oui, enfin, c'est 20. Donc, tu faisais quoi avec? Qu'est-ce que tu faisais avec? Par exemple, je sais pas. Hein. Bon, je sais pas, je m'achetais des bonbons, des trucs comme ça. Ah ouais, donc des trucs super utiles. Ouais, 10 euros de bonbons, tu devais te faire des sacs et... Des sacs et quoi? Ah, troisième bug de la soirée. Des sacs Des sacs à carré aussi. Ah, hein. Laissez-moi tranquille, ça des va. C'est mon régime qui me perturbe. Ouais, bah, tu commences demain. J'ai pas assez mangé. Mais par contre, ce qui est quand même fort, c'est que tu lui piques de l'oseille pour aller t'acheter de la merde, que tu ouffes et ta mère devra payer pour t'enlever les caries dues à ça. Ouais. C'est une mauvaise opération pour ta reine. Hein. Ouais, bah oui. Ah, bah je te le dis direct. Hein. Ah, bravo. Bon, bah Chris, merci à toi d'être passé. Oui, bah encore heureux qu'elle est pas au courant, mais t'inquiète pas, elle va le devenir un jour. Hein. Elle va l'être un jour plutôt, j'ai envie de dire. Non, bah si j'arrête, c'est bon. Oui, ah, bah bravo. Si t'arrêtes, ça devra aller, ouais, effectivement. Bon, bah écoute, tiens-nous au jus, hein, Christopher. Ok, d'accord. Allez, salut à toi, à bientôt. Bonne soirée. Ciao Christopher. Dans un instant, il y a Samuel et Constantin qui voulaient donner aussi leur bonne résolution. Et on va se faire le Mac du jour dans un instant, le temps d'écouter Edouard Maillet avec Stereo Love. C'était le son d'Edouard Maillet à l'instant avec Stereo Love sur Énergie. Et comme tous les soirs, on est là entre 21h et minuit avec, dans pas longtemps, Monsieur X qui passera nous voir. Et puis toujours aussi, les séjours sportifs pour 3 personnes avec transport au centre UCPA. C'est à l'occasion de la sortie du film Bliss le 6 janvier dans tous les cinémas de France. Si vous voulez vous inscrire, 611-12, débutez votre message par Énergie, puis vous mettez Bliss avec votre numéro de téléphone. Voilà, bon. On va passer au Mac du jour, là. Allez, bienvenue dans ce premier Mac du jour de l'année 2010. Le Mac, c'est un tour d'horizon de l'actu condensé et revu à notre sauce. Et on démarre avec ce premier titre de l'actu du 4 janvier 2010. Et il s'agit de Pierre Sarkozy qui a échappé de justesse à la mort. Pas la guillotine hein, par des révolutionnaires français, hein, une vraie mort accidentelle. Le soir du 31 décembre, de violents orages éclatent sur l'île des Cochons au Brésil, où Pierre passait ses vacances dans un hôtel qui a été complètement détruit. Attends, c'est bon, on a tous vécu des orages, c'est pas pour ça qu'on en parle dans la presse. Bah écoute, 64 morts quand même. Hein. Ah oui, donc, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy est tellement puissant qu'il a même des magouilles avec Dieu pour protéger son fils. Ouais, ouais. Je suis sûr que c'est lui qui a sauvé Johnny et Laura Smith. Je suis pas sûr que Nico il soit pour quoi que ce soit dans le sauvetage de son fils, puisqu'après enquête, l'hôtel de Pierre Sarkozy qui a été détruit n'existe pas. Ah bah c'est bon, il ira loin en politique le fils Sarkozy. Oh, il s'agit juste parce qu'il invente des histoires qui n'existent pas pour faire parler de lui. Bah oui. Je trouve dur là. Hein. Bon, et on continue avec la météo. Plusieurs départements étaient en alerte jusque midi aujourd'hui. À Lyon ce matin, c'est 15 cm de neige qui recouvrait la ville. Du coup, pas mal de gens en retard au boulot ou à l'école aujourd'hui. Hein. Waouh, putain, mais c'est une info de ouf. De la neige le 4 janvier. Oh, c'est l'alu ce truc. Ouais, c'est vrai qu'en fait tout le monde s'en branle. Je sais pas pourquoi on nous saoule d'ailleurs avec ça partout dans les journaux là. Bon, autant passer tout de suite à la dernière info du jour. Un nouveau braquage a eu lieu ce matin près de Marseille. C'est ça, à Aubagne d'ailleurs. Les braqueurs ont déjà pas mal de fans qui espèrent qu'ils n'y retourneront pas. Hein, Aubagne. Hein. Oh, pardon. Oui, alors, ça, c'est le phénomène tenue musulmane, quoi. Les gens sont en kiff sur les braqueurs. Ouais, alors faut dire que là, ils ont pas rigolé, les mecs. Hein. Ils ont braqué un fourgon blindé de transport de fonds, forcément. Jusque-là, évidemment. Classique. Sauf qu'ils étaient à 10 et qu'ils étaient armés d'explosifs. Ils ont fait péter le fourgon à la roquette, hein, carrément. Ils sont partis avec combien ? Bah, 4 millions seulement. Hein. Parce que divisé par 10, ça fait 400 000 chacun. Ouais, ouais. Donc en fait, ils l'ont fait pour la beauté du geste, quoi. Parce que le butin, il doit à peine couvrir les frais des armes et des bagnoles. Quoi. Ouais, bah, c'est pas faux, effectivement. Mais vous avez pas l'impression que la criminalité en France ressemble de plus en plus aux US ? Bah, si, c'est clair. Bientôt, tu sais, on va avoir les courses-poursuites à la télé aussi. Oui, mais à 30 km/h sur le périph' bouché, hein, si tu veux, ça risque d'être beaucoup moins kiffant. Hein. Bon, allez, avant de passer au sport, voici le con du jour. Il s'agit d'un voleur, Jack. Eh ouais, on va rester dans le voleur. Un Américain de 19 ans à Renton a décidé de commettre un vol. Bon, sauf que pour déplacer tout son butin, il avait besoin d'un camion. Ouais. Et le problème, c'est qu'il n'en a pas de camion. Du coup, il décide de voler un camion, ouais. Ce qui est logique. Jusque-là, bon, tout va bien. Il parvient à voler le camion, il se barre avec... Mais après quelques kilomètres, petite couille, il tombe en panne. Ouais. Alors du coup, à votre avis, il décide de faire quoi, mon con ? Bah, il vole un autre camion. Ça aurait été malin, ouais. Non, en fait, pas du tout. Il a décidé d'appeler la police pour qu'il vienne lui donner un coup de main. Il est gonflé, ça. Donc là, déjà, on peut se dire que mon con, c'est du lourd, mais ça s'arrête pas là, puisque, en fait, comme le gars est conscient qu'il risque gros, il décide de se déguiser en agent de la voirie, histoire de faire gober que le camion est à lui, que les flics l'arrêtent pas. Ah, d'accord. Alors, pas de chance pour lui. Évidemment, ça marche pas, et le voleur termine en prison. Ouais. Alors, le pire de l'histoire, c'est pas ça. C'est, en fait, la raison pour laquelle ce mec est tombé en panne. Je sais pas, il a pas mis d'essence, quoi. Ah bah si, il a mis de l'essence, justement. Alors qu'il fallait mettre du diesel. Non. Pas de chance. Il va passer pour une baltringue dans les autres prisonniers. Quel gogol. Bon, très bien. Pourquoi tu t'es fait serrer ? Ah bah j'ai mis du diesel. Voilà. Allez, on passe au sport. Football, ça y est, le mercato d'hiver est lancé. Les clubs vont tenter d'engager de nouvelles recrues afin de rattraper leur fin de saison. Comme par exemple le PSG, Roux. Ouais, enfin, pour engager des joueurs, il faut de l'argent. Ah, j'ai vu que le PSG voulait s'acheter Sidney Gouvou. Je sais pas si comment ils vont payer 375 000 euros par mois. Ça, c'est facile. Il le paye 100 000 euros, juste 100 000 euros en salaire. Ouais. Et pour le reste, il aura des bons d'achat dans tous les bars et boîtes de nuit de Paris. Et puis une dérogation pour rouler dans les voies de bus à 100 km/h. Ouais, Paris est magique. Hein. Eh oui. Et puis sport toujours, athlétisme, cette fois avec l'Australienne Jana Pittman, double championne du monde du 400 mètres et qui a décidé de prendre de bonnes résolutions pour 2010 pour gagner encore plus de médailles au JO de Londres. C'est-à-dire, elle a décidé de se doper. Non, c'est plus naturel que ça. Pour pouvoir gagner en vitesse et donc quelques secondes sur ses chronos, Jana a décidé de retirer sa poitrine. Ah, mais c'est con, des gros seins, ça peut te faire passer devant sur la photo finish, non ? Bah, moi aussi, j'y pense, hein. De quoi, se faire enlever du sein ? Pourquoi ? Bah, parce que c'est ma résolution pour 2010, je dois perdre du poids. Du coup, si je retire un bonnet à chaque sein, j'ai gagné un mois de régime. Ouais. Allez, ce mag du jour touche à sa fin. On termine, bien évidemment, avec les traditionnelles citations du jour. À votre avis, mesdames et messieurs, à votre avis. À mon avis, avis, ouais. Mais je suis pas sûr. Allez, une seconde. Qui a dit ? Il l'a dit. Sandro. Quoi ? Mais j'ai rien fait, arrête. Qui a dit ? Si j'avais voulu dire aux gens ce que je fais avec mon vagin, j'aurais fait une sextape il y a longtemps. Ah oui, j'avais vu ça. Bah, Tof, tu devrais savoir. Pourquoi c'est une ex ? Non. Ah, merde. J'en sais rien. Répète. Qui a dit, si j'avais voulu dire aux gens ce que je fais avec mon vagin, j'aurais fait une sextape il y a longtemps. Gilles, Secret Story, là ? Non. Fergie, Black Eyed Peas ? Non. Un indice ? Ouais. Et une sextape avec les lunettes 3D, ça te dit ? Allez, dis quelqu'un. Hein. Ça, d'abord, tiens. Non. Donc ça, c'est une grosse. Mais non, ça doit être une meuf d'Avatar. Zoé Salda... Comment ça s'appelle ? Zoé Saldana. Saldana. Voilà. Non. Bon, alors, c'est une grosse ou pas ? Sigourney Weaver. Non. Sam Worthington, Michelle Rodriguez. Michelle Rodriguez, actrice donc dans Avatar. Deuxième question, qui a dit je suis désespérément accro au sexe ? Moi ? Non. Robbie Williams ? Non. Lady Gaga ? Non. David Duchovny ? Non. Angelina Jolie ? Non. C'est une meuf ou un mec ? C'est une meuf. Et petit indice, et hop là, 25 centilitres de bière en plus. Ah, c'est une alcoolique. Lily Allen ? Non. Bire, y a pas une meuf qui s'appelle Machin Bire ? Bah, une meuf avec bire. 25 centilitres de bière en plus. Oui. Demi-mour. Réponse. Eh oui, demi-mour, effectivement. Et donc 25 centilitres de bière, demi, et puis. Voilà, les indices de malade, putain. Les indices alcooliques, ouais. Allez, troisième. Ça m'étonne que t'aies pas trouvé. Qui a dit je me trouve que des défauts, je suis court sur pattes, j'ai un visage joufflu, et puis sexuellement, je ne suis pas si libéré. Pedro de Mexique. Ah non, c'est une meuf. Robbie Williams. Non. Mimi Mati. Non. Oh. Lily Allen. Non. Est-ce que c'est vraiment une meuf? Oui. Passe par. Est-ce que ça l'a toujours été? Ah, c'est une meuf? Oui, oui. Bon, je vais pas dire Mimi Mati, c'est méchant. Mais là, c'est pas. Tu l'as déjà dit, Tof, donc ça serait con. Ah ouais. Ça, ouais. Excuse-moi, j'écoute jamais ce que dit Tof. Indice, c'est pas grave, couché, on voit pas que t'es petite. Et puis, si ça te rassure, dans l'imagination de tous les hommes de la Terre, t'es carrément libéré sexuellement. Ouais, c'est petite, Eva Longoria? Non. Meuf libérée sexuellement. Et qui est petite. Y a quoi comme, y a quoi comme petite actrice de cul? Ah ouais, non. Non, parce que je pense à Liberian Girl. Non. Oula, on est parti. Pourquoi tu penses à ça? Libérée sexuellement, une meuf. Non. Liberticide. Non mais elle dit qu'elle est pas libérée sexuellement en fait, c'est ça. Fergie. Attends. Scarlett Johansson. Oh, je sais même pas qui c'est celle-là encore. Je comprends l'indice alors. Le Christ. Et c'est quoi l'indice? L'indice, c'est qu'il a dit qu'on s'en fout qu'elle est petite une fois qu'elle est allongée et que ouais, les gens voilà. Sont en kiff sur elle. Hein. D'accord, ok. Oh là, de oui, mais non, soir. Mais attendez, alors à ce moment-là, si. Alors d'accord. Non, bah d'accord. Bon, alors, bah d'accord. C'est rien. Allez, c'en est fini de ce mec du jour, un autre mec du jour. Un autre jour. Merci Sandro. Je te soutiens. Je cherche quelqu'un pour terminer cette phrase dorénavant. Eh bien, c'est parfait, je viens de trouver. Bon, on va revenir dans un petit instant avec encore quelques petites résolutions. On va jouer au jeu aussi Bliss tout à l'heure. Et puis, on va se mettre un petit peu de son. Un artiste qui sera en concert d'ailleurs à Paris, ce sera à la fin du mois de janvier. Je vais bien évidemment, puisque c'est quand même aussi moi qui l'ai passé la première fois en France, essayer de le faire venir de faire venir un groupe dans l'émission. Billy Talent qu'on écoute dans quelques instants avec un nouveau single que vous avez découvert également dans l'émission, ce sera Rusted from the Rain. Bouge pas, bouge pas. Jack continue de réfléchir à pourquoi il a fait un blanc hier soir. Et Mickaël revient juste après ça. Le son de Billy Talent, à l'instant, je dis une correcte, alors c'est pas Billy Talent 2, le nouvel album, c'est Billy Talent 3. Voilà, ah ben ouais, Billy Talent, Billy Talent 2, et puis là c'est Billy Talent 3, donc, que vous pouvez d'ailleurs réécouter hein, sur mikael.fm dans la rubrique 100 US et 100 de la cave, bien entendu. À l'instant, donc, c'était Rusted from the Rain, et comme je le disais, Billy Talent qui sera en concert fin janvier à Paris. On va donc essayer de le faire passer à l'occasion. Voilà. Quel kiff le moment, le morceau que t'as mis, c'est Pierrot du 61. Bah écoute, avec plaisir, et Clément qui dit à quand un bon vieux son de Green Day, s'il te plaît. Eh ben pourquoi pas, on le mettra tout à l'heure, juste après le Polo Show qui change d'horaire ce soir, normalement le Polo Show, hein. Plutôt. Bon, pas de contenu, hein. Non, on peut pas tout changer non plus. Hein. Non plus, hein. On a pris une bonne résolution. Faut pas traumatiser l'animateur. Oui, c'est ça. Faut pas lui changer ses habitudes. Parce qu'il est vieux, hein. Faut que ça se fasse petit à petit. Vieux et con, c'est difficile, hein. Qu'est-ce que c'est les méchants? Quelle agressivité. Ah ouais, putain. Oh là là là là là là. C'est vraiment abusé. Bon, on va faire le jeu maintenant avec Erika qui est là. Salut Erika. Salut Mickaël, salut tout le monde. Salut Erika. Comment ça va? Ah bah super, je suis avec vous, donc ça va. Eh ben, bien. De l'autre côté, il y a Nawel, 18 ans, du 95. Salut Nawel. Comment ça va? Oui, vous? Bon, oui, ça va bien, ouais. Waouh. Bon, alors, nous allons jouer maintenant, enfin surtout vous, pour repartir avec un séjour sportif pour 3 personnes avec transport au centre UCPA, pardon, à l'occasion de la sortie du film Bliss. Ça se passera le 6 janvier, donc après-demain, dans toutes les salles de France. Alors, le concept est très simple. Il va falloir, puisque c'est le concept des filles, Bliss, bien évidemment, il va falloir défendre une une meuf connue, sportive en l'occurrence ce soir, leur manodou. C'est donc Sandro qui sera juge. Ah, c'est moi qui est juge, hein. Ah bah oui, là oui. Ah bon? C'est toi la gonzesse. Bah oui, mais bon... T'es un peu la seule, hein, sinon c'était Princesse Michel. C'est un peu dégueulasse, quoi. Vaut mieux qu'on soit plusieurs à juger. Ah bah, c'est girl people, power, c'est meuf, c'est girl power... Ah bah, girl power, tu vas voir, là. Ah bah, on va voir. C'est ça, le jeu. Bon, Nawel, Erika. Ouais. Vous allez chacune à votre tour donner une comment on appelle ça, une argument. Un argument, voilà, c'est ça, qui sur c'est une battle quoi, en gros, oui, c'est celle qui défendra le mieux leur Manodou, qui dira le plus de bien. Chacune donne un argument, voilà. Chacun son tour. Alors pour savoir qui va commencer, on va tirer à pile ou face. Exactement. Et le premier vas-y. Toff, il a peur parce qu'il avait sorti une pièce, il a donné à Mike et il sait très bien qu'il va jamais la récupérer. C'est la première qui s'arrête a perdu évidemment. Voilà, la première qui s'arrête a perdu. Tu disais quoi, Nawel ? Je voulais dire bonne année, Jacques. Ouais, bah tu vois, t'aurais pu éviter. C'était bien aussi. Bon, attention, Nawel, tu prends pile ou face ? Pile. Pile. Ouais, pile. Toi, t'as pile. Tu te donnes une pièce de 50, t'en as 30, tu la transformes en pièce de 20. Ouais, c'est fort. Hein. C'est ça. C'est pile ? C'est pile. Bon, Nawel, à toi de commencer. Laure Manodou, bonne chance. Alors, c'est une belle femme, agréable à regarder le matin pour ne pas être très frais au lever et pour un petit déjeuner ensoleillé. Ouais, ça comptait comme un argument, hein, parce que t'as donné tout un truc là, mais bon. Oui. Erika ? Oui, alors moi je dis que c'est une très grande bosseuse parce qu'elle a quand même 30 ans de bassin derrière elle. 30 ans de bassin, ouais. Okay. Elle a pas 30 ans, mais bon. Oui, elle a 30 ans derrière elle. Elle a commencé à 4 ou 6 ans. Alors, on a 34, la malheureuse. Elle a 34 ans, alors Manodou ? Ah ouais, elle est de 86. Ouais, donc elle a jamais 34 ans. Je suis né en 81, ça veut dire que j'ai combien là, 42. Je comptais, excusez-moi, je suis en train de travailler. Tu la sens la puissance des filles là, du coup. Du coup, c'est fini là. Non, mais non, parce qu'en gros, elle voulait dire qu'elle avait une carrière derrière elle et et une carrière comme ça, il y a beaucoup de pression, donc c'est vrai que c'est quand même. Je sors du boulot, je suis un peu fatiguée. Ouais, je crois ça fait 3-4 ans qu'on la connaît, Laure Manodou, juste pour. Ouais, hein, voilà. C'est-à-dire qu'il a tout pété si effectivement elle a commencé à 6 ans. Oui, elle a 17 ans de bassin derrière elle et non plus 30. Je suis désolée, je peux pas te défendre. Hein. Donc là, l'argument, il est un peu pété. Non, mais bon, l'argument, on pourrait un peu le dévier en disant qu'elle est arrivée à un très haut niveau assez jeune et c'est ça qu'elle voulait dire, je pense. Elle a participé à combien de Jeux Olympiques ? Bah, elle va te le dire, hein. Moi j'en sais rien, et puis je m'en fous en plus. Hein. Non, mais vas-y, elle a tout gagné par contre, c'est vrai. Vas-y, encore un argument, il est pété celui-là. Non, c'est perdu là. Allez, enchaîne. Ah, mais Sandro dit que c'était perdu. Ouais, c'est on s'arrête là. Ah, bah ouais, c'est perdu. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais bon, on va dire que si tu fais une course et que tu tombes parce qu'il y a un con qui a mis un fil, bah c'est perdu. Bah oui. Non, mais tu vois. Là, le problème, c'est qu'elle l'a tiré elle-même le fil. Ouais, là, le problème, c'est que t'as mis le fil, t'as couru, t'es tombé. Bon, mais par contre, on peut écouter quand même les arguments qu'elles avaient de côté, c'est toujours sympa. Oui, Nawel. Alors, grande, assez grande pour changer les ampoules pour aider son homme au bricolage. Assez grande pour changer les ampoules. Non, assez grande pour changer les ampoules. Oui, c'est vrai, c'est bien ça. Changer les ampoules au plafond. Ouais, c'est un bon point, mais je l'aurais donné dans les derniers celui-là, tu vois. Vu comme c'est une base, son mec, je pense qu'il peut les changer aussi. Hein. C'est vrai. Erika, t'avais quoi toi comme autre argument ? Attention, lis bien. C'était une collectionneuse de médailles, parce qu'on a quand même 127 de médailles. Donne pas trop de trucs avec des chiffres. Ouais, la dernière fois, ça t'a pas réussi. Hein. Voilà, la dernière fois. C'est sûr. Ça, t'aurais dû le dire. Voilà. Ouais, t'aurais dû le dire avant, ça aurait été vachement mieux, ouais. Ouais. Bon, Nawel et Erika. Ouais. Bon, Erika, tu vas rentrer chez ta mère. Hein. Bah, c'est pas grave, je reviendrai. Bah, tu reviens quand tu veux, y a pas de problème. Et puis, Nawel, toi, tu repars avec le séjour sportif pour 3 personnes avec le transport, donc, au centre UCPA à l'occasion de la sortie du film Bliss le 6 janvier en salle. Voilà, Nawel. Ah, bah, c'est génial, merci. Eh ben, avec plaisir. Gros bisous à toi, Nawel. Gros bisous, bonne journée. À bientôt, ciao. Toi aussi, Nawel. Bon, on fera un petit question pour une réponse dans un instant. Hein, si vous voulez vous inscrire, 612, débutez votre message par QPR avec votre prénom, votre âge et votre numéro de téléphone. Et puis c'est vrai que il est là un peu en avance, même cette fois-ci je suis assez surpris, hein. Ah, quelque chose qui cela dit ne m'avait pas manqué, hein. Mais bon, Monsieur X qui fait un test avec votre micro, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas marché. Oui, ça marche apparemment, très bien. Vous dites toujours ça, mais je sais qu'au fond, ça vous fait plaisir que je sois là. Vous oui, pense oui. Pas. Et que je n'accepte pas mon homosexualité, que je suis secrètement amoureux de vous, c'est bon, voilà. Vous me l'avez déjà fait, c'est là, Monsieur X, trouvez autre chose. Hein. Vous voyez, vous commencez à vous faire à l'idée que c'est possible. De quoi, vous êtes gay ? Exactement, vous faites semblant de ne pas y toucher, mais au fond, ça vous travaille. Ah, là, c'est vous qui vous faites des films, hein, X. Mais pas du tout, hein. Je vous ai entendu souvent parler de cette star là, sur laquelle vous avez des vues. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà ? Non, je vois pas, non. Mais si, tu vas très bien, Michael. Non, je vois pas, non. Ah. Attends, je vais t'aider, ça commence par Jared, ça finit par Leto. Jared Est-ce que vous allez pouvoir me lâcher avec ça? Il n'y a rien avec Jared Leto, je ne suis pas homosexuel, lui je ne sais pas et peu importe. Oui, enfin, moi, j'ai entendu dire des choses. Oui, alors, ça m'étonnerait. Hein. Bon, bref. Alors, sinon, vous avez pris des bonnes résolutions pour 2010, monsieur X? Oui, j'ai pris de très bonnes résolutions. Cette année, j'ai décidé de m'acheter un vagin artificiel. Oh, c'est sympa, ça. Ah, voilà, c'est vous qui avouez, enfin, que vous avez une vie sexuelle aussi remplie que vous le dites. Enfin, pas aussi remplie que vous le dites, même, plutôt. Ah non, pas du tout. Hein. C'est juste que j'en ai marre de me finir à la main quand je tombe sur un mauvais coup. Hein. Alors bon, j'aurais pu prendre la résolution de me taper que des bouffeuses de bites en rut, mais... qui se laisseraient démonter comme des chiennes, mais bon, le problème... Vous avez souhaité la bonne année, monsieur X, ou pas encore? Pardon, excusez-moi? On vous a souhaité la bonne année ou pas encore? Non, pas encore. Eh ben, c'est fait, bonne année. Je vous remercie. Donc oui, donc non, je disais que j'aurais pu prendre donc, la bonne résolution de me taper des bouffeuses de bites en rut. Oui, donc on te disait à ce moment-là, bonne année. Ouais, qui se laisseraient démonter comme des chiennes, mais le problème avec les filles, c'est que c'est un peu comme le loto, hein. On sait jamais vraiment quel numéro on va tirer. C'est que c'est très raisonnable comme résolution, ça, X. Oui, mais j'en ai pris une autre aussi. Hein. J'ai décidé que maintenant, je préviendrai les meufs qui veulent me sucer. Mais vous devenez un gentleman, monsieur X. Vous allez prévenir les filles avant d'éjaculer aussi? Ah non, ça je les prévenais déjà. Hein. Comment vous voulez faire une bonne faciale, sinon? Ben, non, non. C'est juste que là, je vais les prévenir quand je viens de pratiquer une sodomie juste avant. Oh non. C'est dégueulasse. Mais non, c'est la nature. Vous avez vraiment un petit esprit fermé. Oh. Oui, ça doit être ça, monsieur X. Bon, vous vous faites payer pour venir dans une soirée Nouvel An? Non. Généralement, c'est moi qui paye ma personne. Hein. Il m'a bien fallu deux bouteilles de champagne avant de pouvoir démonter la petite cochonne que j'avais repérée. Non. Hein. Mais bon, l'avantage, c'est qu'aux 12 coups de mimi, elle avait déjà eu ses 12 coups de bite et un beau feu d'artifice. Non, ça suffit, monsieur X, c'est très fuyant. Excellente année 2010 qui s'annonce pour monsieur X. Bon, bon, comme vous voulez, hein, moi, je vous ai apporté un petit livre quand même hein, pour ce soir, hein, si ça vous intéresse. Bah, pas plus que d'habitude, mais maintenant que vous êtes là. Allez, bon, c'est quoi ce soir? Alors, oh là là, la musique toujours, là. Ce soir, je vais vous parler d'un livre magnifique. Hein, ouais. Oui, Voyage au royaume du plaisir. Vous avez 3 minutes, pas plus, débrouillez-vous. Non, vous avez 1 minute, pas plus, débrouillez-vous. 3 secondes, pas plus. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est un très très très beau livre hein, d'Isabelle Kerguelen. Hein, oui, c'est très très beau. Hein. Bretonne. C'est possible, je ne me suis pas renseignée. Pas Kerguelen en général. Alors donc, dans le passage que je vais vous lire, hein, l'héroïne est sur le pont d'un bateau pendant une croisière. Et donc elle raconte ceci. Je me relevais sur le... Pardon. Je me relevais sur les avant-bras. T'as fait 3 mots quand même. 3 mots, tu t'es mangé. Je me relevais sur les avant-bras et regardais dans toutes les directions. Ne voyant personne qui m'épie, je reposais la tête sur mon coussin, tout à mon plaisir retrouvé, et passais la main sous mon slip. Je caressais en ondulant des reins. Le plaisir montait en flèche et j'arrêtais de me faire violence, de le faire patienter. Je me rassis, me drapais sous mon plaid en vérifiant une fois encore que personne ne pouvait me voir. Et me recouchais en baissant mon slip à mi-cuisse. Mes doigts s'activaient délicatement et l'un triturait mon vagin et l'autre mon clitoris. Les autres pinçant mes tétons qui irradiaient dans tous les sens. Mais vous savez que c'est pas gore ce soir, monsieur X? Non, c'est un joli texte, je trouve. Oui, c'est pour ça que je voulais vous le raconter. Au bout de longues vagues déferlantes, les yeux mi-clos et en sueur, je levais mon slip entièrement et repoussais le plaid, ouvrant mes jambes au soleil, en relevant les joues, les pieds à plat sur le ponton, les rayons dardaient mon sexe d'étincelles fulgurantes, je laissais mes gémissements se mêler crescendo au vent qui mugissait tout autour de moi. Oui, jusque-là, bon, oui. Ce texte. C'est tout propre. Ben, c'est parfait. Merci, monsieur X. Ah, c'est dommage, j'avais la partie gore à vous raconter. Un petit bout. Ouais. Il parlait de doigts qui s'enfonçaient au fond de ma petite culotte humide, à travers le tissu, enfin bon. Moi, ça va, ça va. Ah bon, tant mieux alors. Oui, non, mais c'est pas la peine de continuer, mais ça allait, quoi. Sauf tout, là. Bon, bah écoutez, je ferai mieux la semaine prochaine, alors. Eh ben. Ah, c'est pas nécessaire. C'est ça, ne vous enflammez pas non plus. Hein. Ah, c'est dommage. Par contre, la proposition d'une autre radio qu'on avait reçue, là, de Radio Classique, ne voulait pas Monsieur X. Je comprends. C'est dommage, parce que pourtant, eux, sur les sons de la cave, ils sont très en avance. Hein. Oui. Oui, c'est une manière de voir les choses. C'est vrai qu'ils vont plus loin que toi, niveau. Oui, ça c'est sûr, hein, ça c'est clair. Bon, monsieur X. Oui, bonne soirée. Je ne vous souhaite pas de bonne soirée. Il s'est viré lui-même, t'as vu? Oui, c'est vrai, il a compris. Hein, c'est peut-être ça sa bonne résolution. Il a compris parce qu'on lui a dit que c'était bien, donc. Ouais, c'est ça, il doit être. C'est bizarre, hein. Et il doit être perturbé. On vous souhaite quand même une bonne année 2010. Hein. Oui, c'est vrai. Ça me fait plaisir. Bonne année 2010. Au revoir, monsieur X. Au revoir. Oui, c'est l'année grise. Voilà, c'est ça. Bon, dans un instant, question pour une réponse. On parlera encore des résolutions, bien évidemment. On se mettra encore un petit son de la cave. Et puis le Polo Show qui arrive avec un nouvel horaire. Les Mayas avaient prédit les plus grosses catastrophes pour 2012. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que Mickaël et toute son équipe feraient de la radio tous les soirs de 21h à minuit sur Énergie. 2010, préparez-vous. Les problèmes vont commencer bien plus tôt que prévu. Des problèmes pour Sandro. Mais de quoi? Je suis toujours synchro. Non, mais justement, t'es jamais synchro. T'es jamais synchro. Synchro, m'appelle. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. La femme en gros simple. Bon, Julien et Radjini, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est ça. Salut Radjini. Bon, Radjini, 19 ans du 93, Julien, 24 ans du 38. Ça va bien les deux? Oui, salut. Bon, bonne année à toute l'équipe. Bonne année à toi, Radjini. Bonne année, Jackie. Ouais. Nous allons maintenant pouvoir jouer aux questions pour une réponse. Alors, oh, bah dis donc, j'avais oublié ce jeu-là. Ton jeu préféré. Ah, Radjini, tu veux jouer avec qui? Avec Sandro. Très bien, parfait. Et oui, du coup, elle a oublié. Ah, bah la femme de... synchro, là, que dalle. Hein. Ah, ouais, elle a oublié de prévoir de tricher. Dommage. Ce qui pose un problème. Un bon. Gros problème. De l'autre côté, Julien, tu veux jouer avec qui? Avec Tosh. Très bien, bon choix. Mais le premier roux, quand même. Hein. Le même battle que tout à l'heure. Nous allons pouvoir jouer maintenant à question pour une réponse. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Ça, c'est bon, Michael. Oui, oui, c'est bon, effectivement. Bon, on va donc jouer maintenant. Julien, tu as choisi Toff. Radjini, tu as choisi Sandro. Nous allons jouer question pour une réponse. Sandro, remets ton casque. Justement, je remets bien mon casque. Ça. Mais là, vous faites la faute. Attention, vous êtes prêts? Première question. Prête. Oh là là, je suis fatigué. Ça va être dur. Pablo. Sors. Tu vas donner la réponse à Sandro, là. Mais non, il est pas comme ça, Pablo. 2010. C'est ça, les bonnes résolutions. C'est la résolution, ouais. Attention. Top. Je suis une ville, une province ou encore une capitale et je signifie entre autres ville des anges, grande capitale du monde ciselée de 9 pierres précieuses ou encore généreuses dans l'énorme palais royal à la demeure céleste. Je suis d'ailleurs dans le livre Guinness des records comme le lieu le plus long au monde. Je suis composé de près de 6,5 millions d'habitants enregistrés, mais si on compte les non enregistrés, je compte 12 millions. Je suis également plein de monuments. Tu te fous de ma gueule ou quoi, Rousse? Quoi? Hey, t'as rêvé, j'ai fait. Non, le roux, il a reculé, il a fait. Oh non. Non, je sais pas. Ouais, voilà. Exactement, j'ai dit ça. Bon, alors, Sandro. Lourde. Non. Ville des anges. Top. Ouais. Los Angeles. Non. Je suis également plein de monuments comme le. Ah, je peux pas dire ça, sinon la réponse est donnée. C'est la fin. C'est pas cité, les anges, putain. Bon. Los Angeles, ouais, c'est la cité des anges. En plus, ouais. Comme le Bouddha couché, le Bouddha d'or, le Bouddha d'émeraude, ou le Bouddha bar. Oh. Ouais, Radjini. New Delhi. Ah non. Quel pays connu? Bombay. Non. Sandro. Bangkok. Bangkok, bonne réponse. Merci. Ah non, c'est pas non, moi. Bah, c'est du j'allais tout, dire Calcutta. Avis préféré. Très bien, je suis alors, ou encore le Bouddha Bar et mon pays est connu pour sa boxe ou pour ses boxeurs thaïlandais. Je suis en deux syllabes. La première est un clin d'œil à la chanson de Georges Brassens, Les bancs publics, et ma deuxième syllabe est le mari de la poule. Je suis donc Bangkok. Non mais on a déjà donné la réponse. Oh, les indices. Une belle question. Ouais, quelle belle question. Bon, un point pour Radjini. On ne dit rien. Vous êtes prêts? Oui. Attendez, parce qu'il y a. Non, si on est prêts. Il y a déjà Polo qui pète, alors il y a plus. Hello, le soleil, oui. Oui, pour la peine, c'est vrai, effectivement. Reviens là, Pablo. Allez, deuxième question, vous êtes prêts? Prêt. Attention. Top, je suis un organe enveloppé d'os à la fois dur et blanchâtre. Non, je ne suis pas du sperme, c'est chez Toff. On m'utilise avec une scie quand un parcours est parfois en zigzag ou en yo-yo. Ah, et là, tu l'as grillé en flag. Tu sais, elle avait un panneau. un panneau blanc avec écrit en noir. Et comment qu'il a regardé, Micha, bah, il était comme un con. Il avait les bras en l'air. Comme un âne. Tu disais quoi, en plus? Il disait non, une dent. Micha disait une dent. Non, c'est la caméra qui... Voilà. Tu fais passer un message via la caméra. C'est ça, la réponse. Quel mauvais. Quoi? Il n'y a eu aucune réponse donnée, hein. Dépêchez-vous. Bon, une dent? Tof, une dent? Ah non. J'ai dit mon nom avant. Non, j'avais oui, bien avant. On est annulé avec l'autre cogole qui donne la réponse derrière. Et en plus, il était dédicacé pour vous, celui-là. Oui, je suis souvent à l'intérieur et quand je suis chez Micha, je crie au secours car en effet, je ressemble à celle de Beetlejuice. C'est nul. Oh non, nul. Voilà. Je suis généralement composé d'une couronne libre et d'une ou plusieurs racines implantées dans la cavité buccale, plus particulièrement dans l'os alvéolaire, des os maxillaires. Je suis donc une dent. Ça c'est pas quand on est une jeune fille sans droit de dire ça. Oh, ça va. Bon. Le est une pute, c'est comme ça. Troisième et dernière question. Pour l'instant, c'est Radjini qui mène. Attention, vous êtes prêts? Prêt. Attention. Elle est plus prête que moi. Elle a déjà la réponse, donc. Non, j'ai pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai la réponse. Mais non, je te jure. Moi, je trouve ça juste bizarre que Pablo et Polo descendent au moment du QPR. Oh, ça s'annonce tendu ce soir. Ça va permettre de... Top, je suis né le 10 avril 1965 comme Al Bundy dans... Marie, on a deux enfants. Voilà, c'est ça. J'ai grandi à Gonesse où je fais mes études au collège Philippe Auguste avant de m'inscrire au lycée de Gonesse. Putain, un mur roux. Oh, putain là. De merde. Merde. Ouais, j'ai t'as dit Charlie. T'as dit Charlie? Jamais. Elle m'a dit tu lâches. Stop. Jamais. Jamais. Charlie, de Charlie et Lulu. Charlie, ah, Nestor. Mike, tu peux pas prendre ça. Par contre, t'es fort pour lire sur les lèvres, hein, parce que moi, je comprenais pas. Ouais, bah, ouais. Est-ce que c'est moi qui suis fort ou est-ce toi qui n'es pas, pas très doué? Là, franchement, depuis le début de l'année, depuis déjà 4 ans maintenant, je crois que c'est toi qui n'es pas doué pour ça. Tu vois, le public te hue. Ouais, on te hue. Bon, on fait gagner les deux, hein, pour le coup. Si on peut se permettre de faire gagner les deux, bien sûr. Bah oui, c'est la rentrée, là. Oui, justement. Bah, oui. Allez, les deux. Eh bien, c'est parfait. Julien et Radjini, vous gagnez deux cadeaux chacun. Oui. Micha se débrouillera. Avec voilà. Ses deniers personnels. Exactement. Puisque c'est lui qui a flingué le jeu. Il se démerdera pour trouver les cadeaux. Non, mais ça dépend, une photo dédicacée, ça compte comme un cadeau ou pas? Non, un vrai cadeau donné par Monsieur Cadeau, Thierry Lavignas, à qui tu pourras faire un mail afin d'avoir plus de cadeaux parce que tu diras que tu t'es trompé. Voilà, il vient dans la merde. C'est parfait. Bah, il s'est pas trompé. C'est parfait. Si, il a fait de la merde. Bon, Julien et Radjini, je vous renvoie chez Michel au standard. Bonne chance et surtout deux cadeaux chacun. Hein, donc n'hésitez pas à lui dire. Et il va vous en fumer en disant oui, mais non, mais il a dit des conneries à l'hôtel. Deux cadeaux chacun. Vous, sinon, vous enregistrez, vous allez sur amical.fm, vous sortez la pige, vous l'envoyez au service juridique d'énergie en disant que Micha ne vous a pas donné les cadeaux pour lesquels que vous avez gagné. D'accord? Là, deux c'est dans ton élément, chacun. Là. Hein. Voilà. Ah, tu adores faire ça. Voilà. Ok, d'accord. Là, t'en avais d'énergie, là, putain. Ah putain, j'ai tout donné. Là. J'ai tout donné, je suis déçu. T'as kiffé, mais t'as tout donné. Bon, salut tous les deux. Salut, bye et bye. Ciao et retour du QPR demain 21h, bien évidemment. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Bon, on reparle des résolutions dans un instant. Il y a le Polo Show qui arrive et un petit son US. Le temps d'écouter aussi Keisha avec TikTok. Et le son de Keisha à l'instant avec TikTok sur Énergie. Non mais c'est incroyable ça, Roux. Non mais vous êtes vraiment une équipe de carotteurs et de crevards et de tout ce que tu veux, quoi. Ils sont en train de se battre pour la saison, une saison 3. Non mais attends, le mec, je lui prête des CD pour qu'il les mette sur son iTunes, ça fait 5 ans, je les ai jamais vus. Tu veux pas les rendre à Roux parce qu'il dit bah tu les as déjà vus, c'est pas grave. Ah oui, mais c'est à moi, mec. Les CD, je les ai déjà goûtés, rends-les-moi quand même. Tu as payé? Oui, je l'ai payé en plus. Celle-là, oui, la 3. C'est bien le seul, alors. Ah oui, c'est le seul. Ah, non, c'est pas vrai, moi j'ai acheté la 5. Ah, Roux, il a choqué tout le monde, ouais, il a payé un truc. Ah, t'es un idiot, alors. Ouais. Bah non, tu m'as dit que tu l'avais pas. Mais si. Non. C'est la 6 que j'ai pas. Je t'ai demandé la 5, tu m'as dit non, je l'ai qu'en français. Ah oui. Ah bah voilà, donc tu l'as pas. Ah, tu l'as. Ah, tu l'as. Bah oui, je bah, tu peux me la filer. Non, il s'est enculé, il a déjà. Vous avez eu un petit aperçu de ce qui se passe en réunion quand les poussins sont en réunion. Si je ne prête pas la 5, je ne rends pas la 3. Je m'en fous, j'ai un truc à toi. T'as quoi? Je te dis pas. Vas-y, dis. Non, je te dis rien. Ah vas-y, dis. Non, je te dis pas, c'est bon, mais pas de problème. Et ça vaut bien plus cher qu'une pauvre saison de merde d'entourage. Je sais pas, mais regarde pas comme ça. Qu'est-ce qu'il envoie qui vaut cher? J'en sais rien. Je te dis cher. C'est cher, hein. En plus, putain, t'as un corps. Je me rappelle d'un autre truc que t'as que tu m'as jamais envoyé. Un polo Prada. Ah oui, je suis gratuit. Mais tu as Jamie, bah c'est bon, je peux le prendre. Tu l'as reçu gratuit. Bah, peut-être, et putain, c'est pas le tien. Ah oui, mais enfin, tu l'as reçu gratuit. Et toi, tu voulais en faire quoi? Non, je donnais à mon père. Ouais, frère. C'est ça. Je te jure. Je te jure que je donnais à ton père. Ouais, bah ouais. Putain. Quoi? Mais ça va, je vais te le payer. Hein. Je voulais pas de l'argent. Qu'est-ce que le polo. Il voulait le mettre, le roux. Ah, tu me l'as donné parce que tu me voulais pas. Attends, on fait notre truc, mais on s'en fout. Il va rien du tout parce que c'est quelqu'un qui nous l'a offert. Donc. Oui, bah justement. Bah bravo. Eh bah toi, tu le prends pour l'offrir tiens, à tes parents. Tiens, vas-y, bah, tiens, c'est ça, 2 euros, un Prada non plus, ouais. Pourquoi tu fais pas ça à toi, roux? De quoi? Offrir. Offrir aux gens. Non, ah, il s'est offrir des carottes. Ah, mais ça marche pas, t'as vu comment t'es pas aimable. Pour offrir une carotte, il est là, hein. Enfin bon. Non, mais t'inquiète pas, grand maximum, il a un CD à toi, Mike. Hein. Bon, bah, non, c'est bien plus que ça. Mais c'est quoi son envoisé? Non, il a rien du tout, il a une gomme, un truc comme ça. Bon, bah c'est pas grave, je vais prendre encore quelqu'un pour les résolutions. Pour les résolutions, mais Micha a été plus rapide que d'habitude, puisqu'il a décidé de ne prendre personne. Ouais, bah, c'est Micha qui décide maintenant. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tiens, Julien et Radjini. Oui. On a déjà pris vos coordonnées pour les cadeaux? Non, pas encore. Oh la violence, c'est grave. Hein. Ah, il est rapide, mais pas toujours. Hein. C'est ça dépend voilà. Pourquoi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il râle. Quel problème encore, Micha? Micha, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Bah alors, Micha. Bah alors, Micha, qu'est-ce qui se passe? Y a un problème, Micha? Quel est le souci? Bon, le souci, c'est qu'on me dit le polo chaud démarre. Alors, je mets les auditeurs pour le polo chaud, je gère tout le reste. C'est normal. Mais non, le polo chaud démarre pas, on sauf que là, les auditeurs. Sauf que là, il y a ni... T'avais le temps de les préparer quand même. Et sauf que là, il y a ni les auditeurs du polo chaud, ni. Ni il a pris les coordonnées, il y a rien du tout. Les auditeurs du polo chaud, ils sont dedans. Ah ouais? Il est tout seul, mais il est dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y en a qu'un seul, hein. Putain, on est bien avancé avec ça. Le polo chaud, oh, je te jure. Je te jure. Bon, Julien et Radjini. Oui. Rassurez-vous, Micha va vous reprendre leur antenne dans quelques secondes, hein, d'accord? Oui. Ok. Alors, si surtout, je vous conseille vraiment, ne raccrochez pas. Ouais, alors vraiment. Parce qu'il va pas vous rappeler. Vraiment, ne raccrochez pas parce que sinon, effectivement, vous allez avoir dans le fion, hein, d'accord? Vous surveillez vos batteries, tout ça. Hein. Mettez à charger. Ouais, mettez à charger si vous voyez que vous êtes un peu en galère, tout ça. Surtout, mettez bien à charger. Bon, Julien et Radjini, je vous souhaite pour la deuxième fois une bonne soirée, d'accord? Merci à vous. Une bonne nuit surtout. Ouais, enfin, une bonne nuit surtout, effectivement. Ouais. Bon, salut Julien, salut Radjini. Ciao. À bientôt. Ciao. Bye bye. Et nous avons Samuel. Bah oui, qui est là. Oui. Samuel pour les résolutions. J'attendais toujours. Hein, je me suis dit ça va venir. Il est là. Ah. Ah, Micha quoi. Une heure qu'il attend quoi. Samuel. Oui. Samuel. Samuel. La mère à Charlie des Sœurs. Samuel. Samuel. Ben... Eh ben voilà. Ouais, Samuel a raccroché. Oh, ah, ben voilà. Vous lui avez fait peur. Ouais, c'est ça, ouais. Eh ben voilà, j'ai envie de te dire. Bon, Micha! Aux auditeurs. T'es au top, hein. T'es au top, mais du top, je suis votre programme. Je vais dire, on pas capable de respecter un conducteur. Je voulais dire aux autres radios que. Je voulais dire aux autres radios que jamais on lâchera Micha. L'émission pourrait s'arrêter demain, je pense qu'Énergie va garder Micha parce que c'est grâce. C'est lui. Exactement. C'est lui. C'est l'âme. Non, c'est lui. C'est l'âme de cette émission. Exactement, ouais. Ah, je jure, c'est pas vous, hein. Tu vois, dans notre émission de merde, c'est la merde. En même temps, il est pas là pour rien, si me permets. Si, si. Quand tu regardes chaque personne de cette équipe, oui, tu te dis. Il y a des employés qu'on mérite. Oui. Bon, allez, Polo Show, P.O.L.O. Show, enchaînons directement puisque tout le monde est prêt. Allez, on y va. The P.O.L.O. Show, let's go. Salut, c'est Alexandre Devoise. Vous êtes dans le Polo Show. C'est-à-dire le gène du talent, le petit plus qui fait qu'on peut devenir un immense artiste. Bienvenue dans le Polo Show et que vous souhaitez de bien que la bonne année, hein. Une bonne et heureuse année à tous les auditeurs qui m'écoutent chaque jour et qui se disent qu'est-ce que je fous là. Et ben je suis là pour vous soutenir. quelques minutes dans votre existence. Un peu de pub et on se retrouve après pour le polo show. Après le parfum Michael Jackson... Ça sent trop bon. Voici un nouveau parfum de star. C'est particulier. Découvrez les senteurs merveilleuses d'une sueur fraîchement prélevée. Les mecs, là j'ai vraiment du mal. Découvrez également l'odeur relevée d'un caca fraîchement posé. Burk by Pete Doherty. Parfum disponible en flacon ou en seringue. Hi, wir sind Aloha from Hell. Und ihr hört die... Once again. Pour dans le show. J'ai oublié, je suis fatigué. Voilà, il arrive une fois dans l'existence qu'on peut être fatigué, hein. J'ai le droit. Pardon. Machias. C'est toi qui parles. Jared Leto vient d'appeler, Mike. Il confirme pour le mariage en. Je suis très touché qu'il y pense, mais malheureusement, ça ne sera non. Hein. Ah, mais ça, vous réglez vos problèmes entre vous. Hein. C'est que quand je l'ai croisé, il était en vélo sans selle. Il m'a dit, ça me rappelle Michael. Ça, c'est mon premier auditeur du Polo Show de la nouvelle année. Qui est là? Thomas? Ouais. Quelles sont tes révolutions? Quelles sont tes nouvelles résolutions pour la nouvelle année? Essayer de savoir qui c'est qui est derrière le téléphone. Ça te regarde pas, ça, on s'en fout un peu. Est-ce que t'as fait tes devoirs? Bah allez, arrête, s'il te plaît. Est-ce que t'as fait tes devoirs? Mais ouais, mais maintenant tu m'écoutes. Bah voilà, t'as fait tes devoirs. C'était quoi le sujet du jour? La physique chimie. La physique chimie? Ouais. Vas-y, reparle-moi un peu. Parle-moi-en un peu de la physique chimie. Ouais, je m'en rappelle plus. Ah bah tu vas réviser, tu reviens demain, d'accord? Allez, casse-toi. Qui est là? Polo. Je t'écoute. Polo. Ouais, fais attention à ce que tu vas dire. Ah ouais, attends. Non, mais je te connais, tu dérapes, tu glisses. Non, bah oui, bah il y a de quoi glisser, hein. Tu glisses, t'es là, un tube de vaseline, tu glisses. Oui, il y a de quoi glisser, t'as une chaise. Ouais. Il est là, Michael? Il n'est pas là. Il paraît qu'il a des problèmes. Non, il n'y a pas de problème, c'est Jared qui l'a quitté. Le grand amour de sa vie. Et, bah, je m'en fous pas. Mais nous, on s'en fout pas, nous. Toi, t'es là en train de raconter ta life, là. Mais nous, il en pleure. Polo. Quoi? Je trouve que t'as souvent été voir la bonne taille. Et alors? Ça fait. Et ça, moi je regarde pas des hommes en train de courir sur un terrain en herbe. Non, bah oui, bah peut-être, c'est sûr que t'as vraiment été à la boxe taille. Déguisé en bleu, hein. T'as vraiment été à la boxe taille. Ça te rappelle les schtroumpfs, c'est ça? Polo. Quoi? C'est vrai que t'as eu des problèmes gastriques? Oui, c'est vrai, oui, et alors? Le polo show va bientôt se terminer. -5 secondes. Et comme il se doit, comme tout bon lobo, il y a un problème dans le micro. Hein, je tiens à préciser aux gens qui. tu le tiens. Non, ça n'arrête. Même là, comme ça, il y a un problème. Non, vous avez coupé le régulateur. Là, t'as augmenté le volume. Ouais, j'ai augmenté. Ouais. Mal, non, mais c'est pas. Je le mets toujours à fond, ouais. Ah ouais, je te Monsieur, on va y aller. C'est dingue que ça passionne. Polo. Quoi? Il est là, Michael? Non, il est pas là. Casse-toi. Ainsi s'achève le Polo Show. Merci à ceux qui l'ont écouté. Merci surtout à ceux qui n'écoutent pas qu'à grâce à eux tous les soirs. Je suis dernier et ça, c'est bon. En tout cas, il restera dans ton anal, hein, celui-là. Hein. Ouais, mais pas dans le tien. Hein. Ah non, il n'y a plus de place. Là, c'est fini. Si, bah oui, il y a Jared qui est dedans. T'as raison. Mais t'es jaloux, quoi? Je vais finir par croire que t'as envie de te le taper, non, toi. Non, moi, je veux taper personne. Mais je trouve que c'est beau, l'amour entre deux hommes. Bah, il n'y a pas de malaise, Polo. Écoute, et je serai là au mariage. Et ça tombe très bien, puisque moi-même, n'étant pas intéressé, bah, je te laisse. Mais non, mais si t'as l'air tellement chaud, là. J'ai un témoin, Roux. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Et apparemment, Leto aurait déclaré « Je suis serré ». Allez, garde ça pour le faux JT. C'est dommage de finir sur une si mauvaise. Non, c'était très drôle. Oui, c'est vrai, effectivement, une si mauvaise note, oui. Bon, allez, passez une bonne nuit tout le monde. On se retrouve demain à partir de 21h et on se quitte comme promis tout à l'heure avec le son US, ça avait été demandé par SMS là. Petit Green Day qu'on se fait péter avec Basket Case. Ciao tout le monde, à demain 21h. Do you have the time?